cette constitution-là servira de base dans le futur pour être améliorée et implantée dans les sociétés. Mais il ne sera pas demain matin la veille, là, c'est clair. Non, exactement. Chaque chose en son temps. Mais concernant la politique québécoise en cette année 2022, un événement marquant a été la réélection de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, en octobre. Et quand la CAQ a été réélue, après leur gestion qu'ils ont faite de crise qu'on a commentée abondamment depuis 2 dernières années, est-ce que vous avez été surpris de ça? Non. Non. OK. Même j'avais dit, il va être élu. Puis le monde se choquait. Moi, je me rappelle, ça me choquait moi aussi. Ouais, ben, tu Tu sais, avais moi, raison. j'étais déjà choqué, mais je veux dire, j'étais sûr, pareil. Ouais. C'est sûr qu'il allait être élu. C'est un peu comme. Puis de toute façon, bon, moi, ça m'est déjà arrivé, on me disait, ben, toi, si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer. Ben là, c'est parce que, bon, moi, ça c'est ridicule, là. Je veux dire. J'ai jamais fait partie de la mafia, j'ai jamais voté dans leur comité, puis leurs affaires quand ils se réunissent, ça veut pas dire que j'ai pas un mot à dire. Tout à C'est fait. pareil, le reste, c'est des. Mais il reste que. Non, j'étais pas mal. Les Québécois, c'est des. Bon, je vais essayer d'être gentil, là, mais on est un peuple un peu naïf. Puis on est facile à embarquer parce que les Québécois, c'est du bon monde. Donc, j'étais sûr qu'ils seraient réélus. Mais. Paternaliste comme lui, c'est sûr. C'est exactement la corde sensible des Québécois que tu parles. Ben Le oui. côté paternaliste, là, qu'on va prendre, on va faire attention aux gens, on va prendre soin. Ma mère me disait tout le temps, l'enfer est rempli de gens de bonne intention. Merci, maman. C'est ça, tu sais, Ben c'est oui, déjà un François Legault symptôme qui a géré comme de. un bon père de famille, selon les médias, là, la pandémie, là, depuis les 2 dernières années. Donc, cette approche par rapport à une population infantilisée et qui est gardée infantilisée aussi par les médias a eu sans doute un certain succès qui a amené la réélection, là, de ce que je vois. Moi, ben, il y a des techniques là-dedans que, bon, on parlait McKinsey puis ces affaires-là. Bon, ils sont bien conseillés pareil. Puis, juste la répétition par les médias, il y a bien du conditionnement là-dedans. Puis. Mais les gens aussi répètent, hein, Bertol. Garde un exemple de ça. Mon dentiste m'appelle la semaine passée pour annuler rendez-vous parce que supposément, là, elle me dit mot pour mot, mon assistante vient d'avoir le COVID, d'être absente. J'ai dit, pardon? Je fais niaiseuse dans ce temps-là. J'ai dit, pardon, le COVID. J'ai dit, ben voyons, madame, le COVID, il y a 3 ans de ça, il a muté de au moins 300 fois depuis ce temps-là, là, c'est impossible. Ben, elle me dit, ben. J'ai dit non, mais je vous le dis, c'est parce qu'à force de répéter un mensonge, on finit par le croire, vous savez. J'étais pas méchant à partir à rire, là, mais c'est comme ça avait comme ça a sonné quelque chose chez elle, parce que c'est comme arrêter de dire des conneries pour répéter les conneries de tout le monde. Mais le COVID-19, monsieur, entre guillemets, existait vraiment. Oui, mais tu sais, le SRAS-2, il existait en 1950 quelque, là. En tout cas, pas Ben, trop, là. dans le fond, c'est pas dur de faire qu'une maladie existe, t'en prends une qui circule, puis tu la changes de nom. C'est ça. Moi, je le vois comme ça. Exact. Donc, bon, la grippe cette année-là, ça s'appelait comme ça. Mais c'est tout. Je vois pas. Mais peut-être qu'en réalité, Mona, la personne n'a pas menti dans le sens le COVID. Peut-être qu'elle ne faisait pas allusion au COVID-19, mais 21 ou 2000, ou 22, la nouvelle version, ou le nouveau variant. C'est Elle toujours du fonctionne COVID, sur les mais faits. c'est parce que c'est le variant anglais ou c'est l'Omicron. Donc, c'est toujours la même chose à la base, sauf c'est une autre version. Regarde, pendant le Qatar, le truc au Qatar, il y avait la grippe du chameau. Ah, Hey. c'était drôle! En La passant, grippe dans comme le. par hasard, 3 journalistes qui sont morts d'une crise de cœur au Qatar, mais ils sont morts d'une coïncidence. C'est à cause de la chaleur. Ben. Ça doit être les C'était drôle. Ben changements oui. climatiques. Mais non, Ben là, à un moment mais. donné, c'était les sapins de Noël font faire des crises cardiaques. L'exercice physique fait faire des crises cardiaques. Le jardinage fait faire des crises cardiaques. Même lasser vos lacets. Attention, c'est dur Ben, pour le cœur. ben, si tu te relèves vite, là, ça fait un changement de pression épouvantable. Tu sais, comme si on s'était. Comme si ça faisait pas longtemps qu'on marche debout, là. On est habitué à 4 pattes. Mais. Il reste que non, c'est n'importe quoi. Les excuses qui ont sorti pour justifier les infarctus, les ACV, les crises cardiaques, c'est n'importe quoi. Moi, quand ils ont sorti, ah, les arbres de Noël peuvent causer des crises cardiaques, là, c'est le bout de la marde, là. Parce que c'était un peu comme une conjoncture d'affaires. On dirait qu'ils n'aiment pas ça, les réunions de famille, carrément. Fait que là, c'est rendu, ça fait faire des crises, les arbres de Noël. Ben oui, mais Ben. les gens se parlent à Noël, hein? Fait que d'un coup, quelqu'un là, à part allumer son sapin. Quel beau jeu de mots. Ah, c'est néo-crétinisme du Québec, là, on a décroté ça solide, hein? J'appelle ça du néo-crétinisme. Le néo-crétinisme, c'est ça Ben, va. ça vient d'un peu partout, puis ils se copient entre eux autres, parce que les histoires que le jardinage fait faire des crises cardiaques, puis ils ont les mêmes conneries qui se font dire en Europe, aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Mais là, je sais pas, moi, dans le temps que c'était, bon, entre guillemets, la pandémie, un mort, c'était un mort de trop, mais les crises cardiaques, ils ont trouvé n'importe quelle excuse. Savez-vous, c'est quoi les statistiques sur les crises de cœur? L'augmentation, c'est 600 %. Moi, chez les enfants, les troubles cardiaques, je pense que Ben, il n'y en c'est avait pas. Il quelques. n'y en avait même pas. Mais là, Ben, on parle c'était de rare. 600 % des adultes d'augmentation de crises de cœur par accident, par hasard. Puis les enfants, il n'y en avait pas. Puis ils en meurent maintenant. Oui, Puis il y a ben, une c'est sûr que drop. c'est un autre élément qui peut être intéressant à aborder en cette année 2022. Puis là, ça va être la portion Odyssey qui va commencer par rapport à justement l'aspect crise sanitaire. Bon, peux-tu parler, Oui, finalement? oui, oui. Donc, ben, vous avez ouvert la porte là, au niveau du montage par la suite. Les gens qui nous écoutent, ben, c'est sûr, ça va être sur Odyssey. Mais comme vous le souleviez, en fait, l'augmentation du nombre de crises de cœur, la mort subite de l'adulte qu'on entend de plus en plus parler. Ensuite, tu as des joueurs de football, de basketball qui s'écroulent en plein match. Tu as des gens aussi à la télévision dans différents pays. À un moment donné, il y avait même une humoriste qui faisait un gag à se moquer. Ah, ça aurait changé les règles des menstruations, puis elle tombe en pleine scène. Puis là, les gens pensent qu'elle fait une farce, mais elle Ils fait sont vraiment une morts de rire. crise cardiaque. Ben, Ben c'est oui, ça a ça. duré 2 minutes que le monde riait, puis ça n'allumait pas qu'elle était en train de faire une crise. Ben ouais. Ben Mais oui, puis en là, plus, qu'on le voit, c'est un ACV. On dirait qu'elle a une épiphanie, là. Ah, elle voit de la lumière, puis elle tombe sur le dos. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le fond, c'était super. Mais moi, je trouvais ça indécent, ce qu'elle est en train de moi. dire, là. Oui, elle fait la morale en disant « Ah, oh, vous capotez par Le rapport aux effets timing, il était secondaires, puis pas. Chris, elle en a eu un, fait qu'elle fasse pas la morale aux autres parce qu'elle a été impactée, elle aussi, là. » Ah ben, moi, cette vidéo-là, je la prenais puis, sur YouTube, puis je la reculais pour qu'elle s'égare, puis qu'elle tombe, puis je la mettais à répétition, puis ça faisait un effet comique, bien plus comique que ces jokes. Mais il reste que c'est pas drôle. Mais moi, je suis pas fort en montage, puis tout, mais j'aurais aimé ça faire une vidéo qu'on voit ça, parce que, bon, c'était assez ordinaire, là, comme humour, là. Mais cette partie-là était Quelle drôle. méprisante, elle riait des gens non vaccinés carrément. C'est ça qui était drôle, c'est qu'elle s'est retrouvée carrément en train de se moquer de gens qui résistent à la vaccination expérimentale. Puis elle tombe. Je pense que les gens dans la salle ils ont été convaincus de ne pas y aller, en tout cas. Ben, là, c'est vraiment fendu le crâne, là. Puis bon, mais là, il reste que. Moi, j'avais jamais vu ça des ACV en direct. Ben, franchement, là. Puis c'est incroyable comment est-ce que les gens font. Je veux dire, c'est sûr que si on regarde la télévision, puis ils n'en parlent pas, ben, mais j'avais jamais vu ça, des journalistes qui font des ACV en direct. C'est nouveau. Mais là, c'est peut-être les projecteurs, là. C'est un peu comme des sapins de Noël. Mais ils vont dire n'importe quoi, mais il reste qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Juste les statistiques des compagnies d'assurance qui sortent. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que là, ça commence à être difficile à. Comment ils expliquent ça, là? As-tu vu le rapport de la grosse compagnie américaine, je n'ai pas le nom, parce que j'oublie toujours les noms, moi c'est mon problème, mais qui a sorti un rapport qui dit que, premièrement, il y a une demande de prime d'assurance vie, ça n'a aucun sens, là, les demandes. Puis ils ont sorti un rapport qui disait clairement que ce n'est pas le COVID-19 qui provoque cette demande-là présentement. Ils ne l'ont pas dit, c'est à cause des vaccins. Mais ça sous ils ont clairement écrit que ce n'était pas le COVID-19 la source des décès. C'est évident que c'est pas ça. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance qui vont essuyer des pertes épouvantables. Il y en a même qui vont sûrement, je veux dire, ils vont se mettre à. Ils pourront pas payer tout le monde, Peut-être ça qu'ils se vont peut faire pas, là. faillite, là. C'est parce que c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, ils ne pourront pas, si c'est réel, qu'il y a des effets secondaires importants, dont la mort, liés à la vaccination, ils ne pourront pas camoufler ça éternellement. Donc, Oui, mais ils ont exclu maintenant dans le contrat d'assurance les gens qui ont été ils ont exclu la mort suite comme le COVID, ils l'ont inclus même dans la Caisse populaire pour une assurance maison. à eux autres, là, Oui, on parle. On quand je voit. me mets quand je C'est me magasinais des assurances, là, c'est pas de mal. la crosse, hein? Ouais, mais là, l'affaire, c'est que on dirait que c'est clairement, je veux dire, c'est pas mal évident que les lots sont différents, puis que c'est dilué dans les lots, puis bon, pour y faire attention, mais il reste que, tu sais, c'est un peu comme si on prend une personne âgée que les a toutes eues, elle, puis elle dit, ben moi, je vois bien, puis j'étais une personne vulnérable, j'ai 86 ans, puis je suis pas morte, puis. Oui, mais c'est ça, là, c'est parce que elle c'est un peu comme la roulette russe, là, tant qu'à moi. Exactement, c'est joué à la roulette russe. Fait que c'est du monde Mais chanceux. ils ont mal ciblé pareil, Bertol, parce que juste au Canada, il y a 35 ou 36 médecins, peut-être plus, là, qui sont morts de la vaccination au Canada. Ouais, c'est vrai que. Les autres sont vaccinés normalement dans des endroits différents, là. Mais pourquoi ils ont poigné ces slots-là? Peut-être qu'ils sont allés dans une clinique générale comme tout le monde, là. Tout le monde vaccinait tout le monde. Ça, c'est une autre histoire bizarre. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs marques, entre autres, comme AstraZeneca, qui a ramené un plus grand nombre de thromboses. Puis à un moment donné, ils l'ont retiré, puis ils ont mis plus l'emphase sur Moderna ou d'autres marques. Mais il y a peut-être, par rapport à, comme vous disiez, là, des batchs, là, ça a eu un Tu as impact. raison, il y a des batchs marqués. D'après moi, c'est 30 % du lot, des lots, là, lancés un peu partout. Mais... Ben, c'est pour ça, moi, que ça m'intéressait pas pantoute, parce que je me disais, je vais avoir une dédicace dans le bras. M'en avoir rien qu'un. On dit lui, là, je dois être sur la liste. Non, lui, là, non. Mais tu sais, je vais avoir. Ben, ouais. Non, j'ai pas confiance, tout simplement. C'est comme le reste. C'est pas parce que je suis paranoïaque, je suis pas une personnalité paranoïaque, puis tout. Mais quand on connaît la mentalité des eugénistes américains puis européens, l'Université d'Oxford, l'Université Tavistock, ben, l'Institut Tavistock, les discours qu'on nous tient depuis des années, si on est attentif, qu'on écoute comme il faut, non, j'ai pas confiance, parce que c'est de l'eugénisme, c'est du darwinisme sélectif, puis c'est vraiment ça, là. Puis c'est pour sauver la planète, supposément. C'est comme moi, Jean Coutu, il m'avait dit, on donne plus de sacs, c'est pour sauver la planète. Ben là, c'est bien une valeur, là, mais non, non, c'est toute de l'hypocrisie. Je veux dire, si on se suffoquait avec les sacs, et là, il y en remettrait là, pour sauver la planète, Ben, si c'est on parce se limitait que ça à la l'être tête. humain est présenté comme étant un mal, dans le sens que c'est C'est ça. lui qui est pointé du doigt, puis c'est les consommateurs que là, il faut que vous arrêtiez justement d'utiliser des sacs de plastique, que ce soit Jean Coutu ou Walmart. Ben oui, mais là, par exemple, les hauts sacs à cadavres, ça, ils vont. C'est correct, mais pas les sacs. Mais, tu sais, les body bags, ça, c'est correct. De toute façon, je veux dire, juste l'Institut Tavistock, juste l'Université d'Oxford, juste la mentalité qu'on entend, puis qui revient, parce que c'est vieux. Puis, regarde, là, je veux dire, c'est clair, puis je veux dire, tout est là, même pas besoin de faire de recherche. Je veux dire, c'est des sujets que je regardais déjà il y a 10 ans, puis je le savais qu'à un moment donné, il en arriverait là, parce que c'est tout le temps depuis que je suis tout petit, la surpopulation, la surpopulation, la surpopulation. Puis là, les cancers augmentent, puis les cancers augmentent. J'ai vu tellement de monde mourir. Puis ils me feront pas croire que il y a tellement de dangers de surpopulation que ça. Et on ne nous parle pas justement de tout ce qu'il y a d'industriel dans la nourriture, de tout ce qu'il y a justement des molécules synthétiques qui prescrivent au monde. Puis les taux de cancer montent, puis ils savent pas pourquoi. Puis ils veulent qu'on donne de l'argent pour de la recherche pour créer d'autres molécules synthétiques, puis d'autres affaires industrielles pour guérir le cancer. C'est un double discours qui n'a aucune logique. Puis moi, tout ce que je vois, la seule façon de trouver une cohérence là-dedans, c'est de comprendre que c'est d'éliminer du monde. Je vois pas d'autre chose. Puis comme c'est, je veux dire, c'est vraiment c'est une philosophie, c'est de la philosophie appliquée dans le fond. Exact. Qui est là Mais depuis très longtemps, ça fait au moins 300-400 ans qu'il nous casse le cul. Exactement, mais cette année, en 2022, en lien avec la gestion de crise sanitaire, parce qu'on a commencé l'année là avec ce que j'appelle l'apartheid sanitaire, là, dans le sens que les gens, que ce soit au Québec, en France, ne pouvaient pas aller au restaurant, ne pouvaient pas aller au cinéma, très restrictif, très contraignant pour pousser les gens à se faire massivement vacciner, pour avoir le droit de circuler, là, le droit d'aller à quincaillerie, les grands espaces, etc., même travailler pour certains. Puis tout d'un coup, pendant l'année, les mesures ont tombé. Et moi, je suis très surpris d'être au mois de décembre, là, il n'y a pas de mesures. Attends que ça sent bien. Comment? Est-ce que je Attends passe quelques aussi? janvier, chérie, tu vas voir qu'il va y avoir des mesures hostiles. Ben là, ils ont recommencé à Et faire peur au monde. pardon, Bertha. Ils recommencent, là, parce que là, ben, regarde la Chine, là, sont toutes malades, là, parce que justement, c'était très drastique pendant des années, ça a affaibli tout le monde, puis là, ils lâchent du lousse, fait que là, le monde, ils tombent tous malades. Mais là, ils sont à la télévision, ils sont essayés de faire peur au monde, dire, ben là, ce que la Chine fait, là, ça va recréer une pandémie mondiale. Donc, ça se prépare déjà, là. C'est ça. Ça serait l'effet pervers de la politique COVID-0 qui a eu cours pendant plusieurs années, qui a fait que les gens ont sous-utilisé leur système immunitaire. Puis là, à ce moment-là, les... On oublie l'impact de la pic-pic sur le système immunitaire, chérie, là. Un instant. Les gens en Chine sont tous vaccinés quasiment. Il y a aussi l'exposition au virus, comme dit Berthold, qu'on n'a pas fait puis qui affaiblit beaucoup les gens. Mais ce qui injecte, excusez-moi, là, mais moi j'ai demandé à mon médecin ce qu'il y avait dedans, mais il ne sait même pas. Ben, ils peuvent pas, c'était voyons, c'était Des scellé, secrets là, je te refais, industriels, des probablement, secrets là. industriels. Il est où Ben, le c'est ça. consentement? Ben, non, ben, c'est exactement ça que j'ai confronté mon médecin. J'ai dit, ben là, si tu ne sais pas ce que tu injectes, comment tu peux respecter le serment d'Hippocrate sans faire l'hypocrite, premièrement. Et à la fin, il m'a dit, Madame Hébert, le mieux, c'est d'attendre, hein? Il m'a pas forcé, mais il m'aurait pas pu me forcer. Mais oui, moi, je voulais rien savoir. Mais je voulais savoir jusqu'où ils pouvaient aller, les médecins, là-dedans. Caline, en tout cas, j'aimerais pas être médecin au Bien, eux Québec autres sont présent. en conflit d'intérêts avec leur ordre professionnel parce que normalement, quand ils font un acte médical, il faut qu'ils obtiennent un consentement libre et éclairé de la part du patient. Et pour C'est ça. consentir librement à un traitement médical qui est un vaccin, normalement, on doit savoir c'est quoi les effets secondaires désirables ou indésirables pour faire un choix éclairé. Or, on ne connaît pas les effets à moyen ou à long terme. On commence à voir là. Attendez 2023, ça va tomber comme des Bien, feuilles. Ben, C'est comme. l'information, oui. Ben, j'allais dire, c'est comme ce qu'il y a eu, là, qui nous ont achalé, les virus respiratoires qui circulent chez les enfants. Puis, ben oui, mais ils ont forcé à respirer de la fibre de vinyle ou je sais pas quoi pendant. Du C'est ça. graphène, entre autres. C'est Ben de la. là, tu sais, je veux dire, elle vient de là, entre autres, la faiblesse respiratoire, tant qu'à moi. Puis, c'est sûr qu'une fois que t'en. En tout cas, c'est des mesures réellement idiotes. Idiote, puis c'est clair que ça allait faire ça, c'était prévisible. Mais tu sais, je veux dire, vaccin ou pas, là. Donc, Ben, c'était ridicule de. ça fait 75 ans, Berthold, que médicalement, on sait que le confinement, c'est la dernière chose à faire dans un cas d'épidémie virale. C'est ça qui fait que ça se prolonge. Je sais pas. Ils ont fait tout pour qu'on soit. Moi, je le disais il y a 3 ans, faites tout ce qu'ils vous disent, vous êtes sûr d'être malade. Suivez tous les conseils du gouvernement. Vous allez être tous malades. Fait que là, bon, tu sais, je veux dire, juste sur le fait que sur les boîtes de masques, c'est écrit, là, ça, c'est parce que, bon, ben, les compagnies qui les fabriquent, ils peuvent pas se voter l'immunité au Parlement. C'est pour ça qu'ils se protègent en l'écrivant sur la Ben, ils veulent pas boîte. être poursuivis, tu sais. C'est ça. Parlant de ça, une anecdote, hein, je suis anecdotique aujourd'hui. Je vais à la caisse populaire parce que j'ai des choses à faire. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine. Et devant moi, la dame qui me reçoit, sur son bureau, il y a ce petit liquide antibactérien. Puis là, imaginez-vous que pour transférer de l'argent canadien au Brésil, qui est le pays le plus gros économiquement parlant de l'Amérique du Sud, là. La caisse, ça n'existe pas. Ça fait pas partie de mon menu déroulant qu'elle me répond. Ben, j'ai dû trouver une solution. Fait que pendant qu'elle cherchait une solution pour envoyer de l'argent à l'étranger, je regarde la petite bouteille. Et sur la bouteille, c'est marqué clairement antibactérien. Moi, je pars à rire, tu sais bien. Puis la première chose que je dis à la dame, j'ai dit, c'est drôle, vous faites nettoyer les gens des mains pour le virus, mais j'ai dit, c'est marqué que c'est un antibactérien, c'est pas marqué antivirus. On a jasé pendant 1 heure de temps. Il y a des gens qui s'éveillent. Pour ça, je parle de ça, c'est que je me suis rendu compte en parlant avec les gens individuellement, il y a de plus en plus de gens qui sont. Elle était piquée 3 fois, elle m'a parlé de très ouvertement. Elle, puis elle est jeune, 30 ans. Puis elle me dit, c'était le dernier. J'ai dit, t'es-tu sûr de ça si on te propose. Et moi, j'ai un oncle qui, après 3 doses, ça a été pour lui le dernier parce que, il y a eu des effets secondaires importants. Il voulait retourner chez lui en auto, puis là, ses mains tremblaient, puis il devenait dangereux en automobile suite à la troisième dose. Puis lui, il faisait la morale aux autres en disant, oh, je le fais pour les autres, faut être altruiste. Puis finalement, il y a eu des effets secondaires. Excuse-moi, David, là, je m'arrête là, mais je suis plus capable. Le prochain qui me dit qu'il a fait ça pour les autres, j'y arrache la tête. Premièrement, c'est absolument faux. Faux! Je connais personne qui s'est fait vacciner pour les autres. J'en connais plein qui sont fait vacciner pour aller en voyage. J'en connais plein qui sont fait vacciner pour aller dans les restaurants, pour aller au cinéma. Ma soeur s'est fait vacciner pour aller chanter dans ses crises de chorale, puis que finalement, ses chorales, ça n'a jamais marché. Mais bref, j'ai jamais entendu, c'est pour toi que je fais ça, moi, là. Bullshit! Excusez, Ben, ça sort. c'est l'aspect parce qu'il y a un aspect comment je pourrais dire Encore ça? C'est culpabilisant. une religion, hein, dans le fond. Puis il y a des aspects bonne volonté, puis générosité, puis altruisme. Parce que juste le gel hydroalcoolique à l'entrée des magasins, moi je le vois comme un, c'est comme se mettre de l'eau bénite en entrant à l'église, là, c'est rendu une religion, le monde, pour évacuer de l'angoisse, entre autres. Puis c'est des rituels religieux, parce que ça n'a pas rapport avec le réel, ça a rapport avec le virtuel de la pensée. Donc, c'est carrément, moi je le vois vraiment comme ça, c'est de conditionner le monde, puis les masses, puis au fond, ça joue avec des choses dans l'inconscient. Puis juste, bon, donc le masque devient une espèce d'amulette, comme une croix dans le cou. Le gel hydroalcoolique, ça devient un rituel de purification, des ablutions. Puis au fond, ils sont en train de revenir. Moi, je le vois vraiment, c'est une forme, ils servent de certaines affaires par rapport à l'âme humaine. Qu'ils savent, je veux dire, Ben puis oui. ils ont des psy comme McKinsey, c'est sûr que, entre autres, là-dedans, il y a des psychologues. Oui, l'ingénierie sociale, ils savent depuis, tu sais, ils savent comment manipuler des masses, ça tu fais référence, mais ça aussi, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Les études ont été transportées, il y a beaucoup de connaissances. Ils faisaient déjà des études d'ingénierie sociale, la fenêtre d'Overton, tout ça. Ça vient de tout ce temps-là, là. Fait que là, dans le fond, c'est un peu comme te faire vacciner, ça revient à prier pour le salut de ton prochain. Et calice, pardon. Ben, c'est ça pareil. Bien, ça a été Ben de oui, même que ça a été calice. vendu implicitement il y a quelques mois avec la grosse campagne de promotion du vaccin qu'on a connu au Québec, là. Fais-le pour les autres et pour toi. Puis finalement, on s'est rendu compte dans le concret que ça n'empêchait pas la transmission. Donc, ils ont été obligés de la mettre fin à cette Changer campagne-là. de tourne. Ben, c'est parce que Pfizer a fait la déclaration publique à l'Union européenne qu'il n'avait jamais étudié le vaccin pour savoir s'il empêchait la transmission. Fuck! C'était sur Ben, base-là qu'il t'sais. avait fait adapter le passeport vaccinal. Ben, c'est un peu comme si un peu plus la femme qui était là, parce qu'il y en a un qui ne pouvait pas y aller, vu qu'ils l'ont envoyé une. Ah, c'est une C'est un femme. peu comme si elle disait, ben, c'est en ce moment l'étude, c'est vous autres l'étude. On sait. Exact. Exactement. Elle s'est mis le pied dans la bouche solide. Je ne sais pas si elle va être en vie longtemps ou en job longtemps, mais c'est ça, comme dit Bertolt, c'était pas elle qui était supposée être là. Mais puis là, ben, elle demande la question très claire, est-ce que vous avez étudié si la transmission se faisait ou arrêtait la transmission ce vaccin? Elle dit non, on n'a jamais étudié ça. Mais pourquoi tu nous injectes ça, tabarnak? Ben, c'est là, l'étude, le sont en train C'est ça. C'est de. ça. De toute façon, c'est des compagnies, je veux dire, qui ont été condamnées tellement souvent, entre autres pour charlatanisme. Je veux dire, c'est tout disponible, là. Puis c'est des menteurs, c'est des fraudeurs, puis c'est des charlatans. Ils ont été condamnés, je ne sais pas combien de fois. Donc, c'est tout le temps une affaire de profit. Ben, ça me fait penser dans le temps à la thalidomide. Ils le savaient, puis ils ont tout fait pour que ça continue le plus longtemps possible. Puis. Pourquoi? Ben parce que c'était énormément d'argent. Fait que là, bon, ça fait des bébés. Il y en a même qui sont venus au monde pas de tête, me semble. À un moment donné, là. tu le sais, puis tu es complice de ça, puis bon, ben là, ça, c'est leur affaire, eux autres, là, je veux dire, mais d'un autre côté, c'est le monde qui vont payer pour. Mais Pfizer, là, je veux dire, c'est bon, je fais attention à ce que je dis, mais je veux dire, c'est ils ont un historique, là. C'est Ben, pareil, les. c'est public d'ailleurs, ils ont été condamnés aux États-Unis plusieurs fois, dont je sais pas, dernière shot, c'est 34 millions ou 300, je sais plus combien de Ah, ce millions. matin, c'était. Maintenant, c'était des milliards, me semble. Oh, sûrement que tu as raison, C'était la Berthold. plus grosse Oui, mais je veux un condamnation de l'histoire. documentaire par rapport à ça qui redressait le fait que justement qu'ils ont été poursuivis plusieurs fois, puis nos gouvernements continuent de faire affaire avec eux. Ouais. On a affaire à des fous qui organisent un génocide humain. Je pense qu'il va falloir dire. On est sur route On ici, c'est bien est correct, on peut se dire les choses ouvertement là, un présentement. génocide qui se passe. Hein. C'est la suite de 45 qu'ils essaient de faire. Ben, C'est clair, parce c'est ça. que de toute façon, ce qui est génocidaire, c'est pas nécessairement, là, par rapport à la définition, c'est pas nécessairement juste c'est pas nécessairement le meurtre nécessairement, c'est dès qu'il y a des actes de guerre contre une population. Population, c'est ça. Donc, juste le fait que les Canadiens français, depuis longtemps, il y a une politique d'assimilation. Juste ça, c'est du génocide. Donc, bon, je veux dire, c'est comme on essaie de nous décourager de faire des enfants, puis là, il y avait Mordecai Richler qui traitait les Québécois d'détruits, puis tout ça. Puis en même temps, on a dit, ben là, il y a des pénuries de personnel, puis envoie le chemin Roxham, puis c'est quoi ça sinon un génocide d'un peuple quelque part? Puis je parle pas de théorie de grand remplacement ou quoi, je parle juste de la continuité de la politique à McDonald's et compagnie, qu'ils s'en sont jamais cachés. Oui, ben sinon le génocide culturel avec les pensionnats pour les Amérindiens. Ben oui, c'est ben moi je considère que les Canadiens français, on est traités comme des Autochtones. De toute façon, ils ont du mépris pour le monde. C'est le petit peuple, là, on est juste de la main-d'œuvre puis de la ressource. Donc, c'est comme un. Avec moi, Berthold, pour dire que le peuple québécois, nous sommes autochtones. On s'est tous Ben oui. métissés des Autochtones. Ils ont divisé les Autochtones, Autochtones. Les Québécois sont des Autochtones, en fait. C'est un métissage qui se fait depuis 400 ans. Donc, ils comptent, c'est ça. Ils ont divisé même les Autochtones de nous, de ci, l'anglais, de ça. Ah, tu sais, à un moment Ben, donné. des fois, je regarde ça et je me dis, sont là à dire, ah, ben, les Autochtones, ils ont des droits ancestraux, fait que donc, il faut respecter leur mode de vie, puis le blabla, tu sais, Trudeau et compagnie. Ben oui, mais les Canadiens français, bon, on n'a plus le droit d'avoir des fermes sans avoir l'UPA sur le dos, puis un paquet d'affaires qui n'ont pas d'allure, ils veulent plus qu'on chauffe au bois, ils veulent plus. Ben oui, mais nous autres, c'était ça, notre mode de vie traditionnel. Quelqu'un qui veut devenir autonome sur sa terre, ils vont tout faire pour qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Puis on a vu en 2022 par rapport à l'engrais, c'est-à-dire les pays comme par exemple les Pays-Bas, puis d'autres pays là, ont adopté des mesures pour au nom du respect de l'environnement, la lutte au changement climatique, réduction de gaz à effet de serre, pour réduire justement l'utilisation de l'engrais, les fertilisants. Ouais, puis ça a fait que 3 000 fermes ont fermé. Bravo! Ah, 3 000 puis fermiers vont perdre leur job. au Québec, ça? encore récemment, ils jettent du lait. En Hollande, avec la loi, en fait, c'est tout le même plan, David. Ils ont appliqué ce plan vert de marde-là au Sri Lanka, puis regarde ce que ça a fait. Le Sri Lanka est rentré dans le palais, puis ils ont sacré la marde dans le pays, parce qu'ils sont en train de crever de faim. Mais là, ce que le Sri Lanka a fait, bien là, eux autres, ils continuent le plan, puis ils l'appliquent à Hollande. Mais la Hollande, c'est ça, c'est 3 000 fermiers, ils l'ont dit, 3 000 fermiers qui vont perdre leur job. Fait que là, ils vont faire crever de faim leur population pour finir par foutre la marde encore. C'est toujours la même marde. Moi, là, le jour où ils vont commencer à me dire comment me torcher, puis je peux pas brûler un morceau de bois, puis tout, c'est moi que je vais aller en prison, je vais en tabarnak. C'est pas vrai qu'ils vont venir me dire comment vivre ma vie ici. Oubliez ça. Je m'en calais, je mourrai, mais je plierai pas les genoux. Oubliez ça. J'en Donne pas de chance. connaissais du monde qui voulait être agriculteur. Puis bon, aujourd'hui, c'est plus comme c'était, là. Ils se sont découragés en chemin, puis c'est des salariés, là. C'est ça. Fait que bon, tu sais, je veux dire, ce qu'il y en a qui parlaient de l'économie réelle, ben moi, je suis tout le temps de l'économie réelle, c'est la patate, là. Je parle physique. C'est ça qui a de la valeur. Puis de plus en plus, on va le voir. On l'a vu avec le blé. Pense qu'on revient. Mais en tout cas, je ne sais pas, David, si tu veux aller sur un sujet précis, mais pour moi, tout ce qu'on parle, là, ça tombe carré en 2024. Ça plante solide. On verra, là. Mais pour moi, l'économie mondiale s'effondre, puis on revient à des économies nationales, régionales. Puis ça va planter solide, à mon avis. Tout ce qu'on parle là, pour moi, c'est comme si c'était un plan qui termine en 2024. Peut-être ça que Glenn annonce en 2024. Ben en fait, c'est Je pense que ça 2023 que Richard Glenn parle, c'est-à-dire. Ah oui, c'est ça, c'est 2023. Oui, c'est ça. En fait, lui, d'ailleurs, je voulais qu'on en revienne là-dessus, là, c'est sûr, là. C'est-à-dire que lui, ça fait des années, là, depuis 1983, qu'il parle de 2023. Là, c'est, d'ailleurs, je mettrai le lien, là, comme je disais tantôt, là, par rapport à la célèbre conférence de Bernard de Montréal qui faisait allusion à ça. C'est que là, on nous prédit un rendez-vous, il reste souvent vague, mystérieux. Ah oui, les mystères, les mystères, Exactement. les Mais moi, mystères. je suis très sceptique à savoir s'il va vraiment là, rentrer en contact là, avec les extraterrestres, là, c'est-à-dire officiellement là, en février. Là, moi, j'ai l'impression que l'humanité n'est pas prête à vivre présentement un contact ouvert, là, à grande échelle, transparent, là. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh, moi, de ça. Ben, moi, j'ai bien hâte de voir ou de pas voir. Parce que l'affaire, c'est que l'année, c'était un rendez-vous pour toute l'humanité, puis ça allait bouleverser tout, puis là, c'est rendu la noosphère, puis il va. Donc, c'était un petit peu, on reste vague, puis comme ça, ben, peu importe ce qui arrive, on va pouvoir récupérer, puis je veux dire, c'est une façon peut-être de. Mais non, je pense pas nécessairement que c'est malhonnête, là. Peut-être. Que même il y a 40 ans, qu'il était peut-être pas sûr qu'il serait encore vivant. Je veux dire, il est quand même, il est chanceux, il est en santé, là, d'habitude. Oui, il a Bon, passé 70 ans, là. Il est quand même avancé en âge. Il a passé l'âge de la retraite. des fois, on dit des affaires quand on est jeune, puis c'est difficile après de s'imaginer. Ben, là, une fois quand ça approche, ben là, peut-être que lui-même, il y a des doutes. On ne le sait pas, parce que je trouve que le discours a changé un peu. Là, la noosphère va descendre puis elle va entrer en contact avec certaines personnes. Fait que le rendez-vous. Bon, C'est on n'est plus plus tout le libre. monde, puis voir la séparation du bon grain de l'ivraie par les Ah, ouais, extraterrestres là, c'est. eux-mêmes. Fait que c'est comme eux autres qui vont décider de choisir. Fait que finalement, lui, s'il est choisi, ah, ben, j'ai vécu mon contact intérieur, j'ai fait un rêve initiatique, puis ils m'ont téléversé de l'information dans le mental. Fait que toi, si t'as pas eu de contact ou t'es vois pas officiellement sur la rue, c'est parce que tu fais pas partie des élus. Ouais. J'ai un Quel petit peu délire. de misère avec ça. Je pense pas, moi, qu'il est nécessairement. C'est pas de la malhonnêteté, mais c'est comme rester dans le vague pour se garder de la marge, là. Ben, moi, je vois là, Puis on derrière dirait ça, plus qu'on se rapproche, plus c'est vague. c'est ça, mais ben, je vois derrière ça une espèce d'opportunité de se garder une porte de sortie. C'est ça la Ah oui, marge que je c'est la parle. porte de sortie. Exactement, mais tu sais, quand tu regardes ça, tu prends un public depuis les années 80, tu te dis, ah, il va se passer quelque chose en 2023, puis tu sais, ça te garde comme l'intérêt ou l'espoir qu'à un moment donné, le monde va changer, tu sais, si on entre en contact avec les Encore extraterrestres. l'espoir, hein, Ben, l'espoir. c'est là que j'allais en venir. C'est-à-dire que ça donne l'espoir qu'à un moment donné, notre civilisation, c'est sûr, si on rentre en contact avec une civilisation plus avancée qui viendrait de l'espace, peut-être bénéficier de nouvelles technologies, nouvelles façons de faire pour améliorer notre niveau de vie. Donc, ça fait miroiter des. Ça peut faire miroiter des choses chez certaines personnes qui sont fragiles, qui ont besoin de se rattacher à quelque chose, qui, dans les années 80, ont délaissé la religion catholique pour, à ce moment-là, adhérer non pas aux anges, mais aux êtres venus du cosmos comme étant des sauveurs. Donc, en tant que forme de substitution. Fait que c'est sûr que par rapport à ça, cet aspect-là. Moi, je me questionne. C'est sûr que lui, bon, il y a eu des salles qui ont été pleines dans les années 80. Il a nourri un public, des gens qui se sont abonnés à son club trié au fil des ans. Puis là, à mesure Le qu'on club trié, crée, son pardon. club trié, a trié, a créé, OK. Quoique j'ai fait un lapsus parce qu'en réalité, ce qu'il parle, c'est réservé à des initiés. Fait qu'il y a un tri qui est fait dans le sens que les gens qui veulent aller plus loin dans la compréhension ésotérique des choses, apparemment en privé, ils en disent plus qu'en public sur YouTube. Donc, derrière ça, d'entretenir le mystère, puis bon, il y a des informations réservées aux initiés, c'est sûr que, à quelque part, en ayant cette approche-là, à mon avis, il y a des gens qui comment dire, ça leur a donné une forme d'espoir, puis une forme aussi d'importance s'ils ont accès à des informations que les autres n'ont pas. Donc, pour moi, je vois ça comme. C'est sûr que si ça lui a permis d'alimenter un public, puis à quelque part, au niveau financier, bénéficier de tout ça pendant plus de 40 ans, bien, juste au plan affaires, marketing, de présenter cette date comme étant un point culminant, si ça a entretenu l'intérêt du public envers sa personne, ça leur a eu son utilité à ce niveau-là. Tout sert à tout, une chance. Ben, tu sais, c'est pour ça, moi, j'ai hâte pareil, parce que peu importe ce qui arrive ou qui n'arrive pas, ça va être intéressant. Ouais. C'est très intéressant, parce que je vais être curieux de voir comment qu'il va réagir. Tu sais, je suis toujours curieux pareil. Ben oui, c'est ben, comment qu'il va composer avec ce qui se passe. Puis comment qu'il, bon, pour voir, peut-être que aussi on va peut-être avoir une surprise aussi. Donc, l'affaire, je veux dire, ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, tout est possible. Mais on se dirige vers un dévoilement du phénomène extraterrestre. Je ne crois pas que la race humaine est prête à ça de toute façon. Ben, c'est pour ça, moi, j'avais averti, j'ai dit, ben là, c'est parce que si à Maton qu'il arrive quelque chose de cet ordre-là, c'est sûr qu'il va y avoir de l'hystérie un peu là, collective, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Notamment, il y en a, ils vont capter. Tu sais, c'est quoi. Bon, pour ça, je disais de pas être impressionnable, peu importe là, ce qui arrive. Oui, c'est ça. Mais vous voyez pas, ben, j'ai un flash dans la tête, puis tu sais, le chaînon manquant pour moi là, de l'histoire de la race humaine, c'est nous autres. Nous sommes pour moi des extraterrestres implantés. Puis je pense qu'il y a eu une race qui a été mise. Il y avait là l'humain cueilleur, là. Mais la planète était vaste à cette époque-là. Je pense qu'il y a eu une race qui s'est implantée sur la Terre extraterrestre avec des technologies très avancées. Ben oui, ben Zachary Zitchin parle des Anunnakis qui auraient produit des manipulations. Les Anunnakis qui auraient produit des manipulations génétiques par rapport à des hominidés qu'il y avait sur Terre pour nous donner, nous. Donc, c'est sûr que ça, c'est une hypothèse, là, dans le sens que lui, il dit qu'en lien avec la lecture des écritures des Sumériens, qui auraient supposément déchiffré, il serait venu à la conclusion que les êtres humains auraient été créés pour servir d'esclaves par rapport, entre guillemets, les dieux, qui étaient des extraterrestres qui, dans des temps reculés, seraient venus sur Terre. Moi, je vois pas ça de même, mais bon, c'est pas bien grave, on n'a pas de preuve de tout cela. Mais ce que je faisais comme lien, moi, je voulais faire comme lien, je pense que ce que Glenn parle, c'est comme la correction, il y a eu un fuck quelque part. Moi, je vais vous le parler comme je l'entends, là. Mm-hmm. Pour moi, il y a eu une erreur dans la création de la race humaine. Ils connaissaient pas l'astral, ils connaissaient pas ce nuage gris qu'on a au-dessus de la tête, c'était pas connu d'eux autres. Puis pour moi, il y a une correction qui va se faire parce que ça a fait 2000 ans d'involution, ça, pour moi. 2000 ans au moins d'involution. Donc, il y a comme une correction dont Bernard faisait partie. C'est un avatar, Bernard. Un avatar qui est venu corriger quelque chose sur la planète. Ben, c'est comme Bernard, il dit, il n'y aura pas de contact officiel tant que la régence planétaire ne sera pas établie. Avant 2030. C'est ça. Puis là, janvier 2023, c'est dans quelques semaines. En fait, c'est février, pour être plus précis, le 24 février 2023. Oui. Oui. Ah oui? Bon, je suis tout le temps tout mêlé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ben oui, mais c'est parce que, à mes yeux, c'est un petit peu du divertissement. Fait que des fois, on oublie. Quand on prend pas trop ça au sérieux, parce que je prends vraiment tout ça avec des pincettes. Ben franchement. Parce que ça rentre dans le domaine. Tu sais, ça fait depuis, c'est comme dans le temps, il y avait Van Daniken et ces affaires-là. Puis il y a eu ce mode-là dans les années 70-80, les anciens astronautes, puis toutes ces affaires-là. Puis ça fait depuis que je suis petit que j'entends des histoires. Puis moi, ça me sonne un petit peu comme le Père Noël, les histoires de Père. C'est sûr qu'il y a quelque chose, mais c'est sûr qu'on est naïf, qu'on est bien naïf. Donc, finalement, avec le temps, pas avec l'OTAN, mais avec le temps, ce qui est chez. Finalement, mon ressenti par rapport à tout ça, c'est qu'on est en train de colorer des vieilles affaires avec notre contexte, notre époque, puis que finalement. C'est pour ça là, que je regarde ça, puis moi. Puis même, moi, je suis vraiment, ben franchement, j'ai aucune certitude. Vraiment aucune. Puis moi, j'ai l'impression que l'être humain, il a vraiment été voulu, il a vraiment été placé sur Terre, puis tout, puis qu'il y avait des instances un petit peu au-dessus de lui. Puis je pense qu'on s'est fait avoir parce qu'il y avait pas loin au-dessus. Puis ça, je le sens. C'est Ça, je le ça. sens qu'on est manipulé. À peu près, là, peu importe de la façon que. Puis ça rejoint même, comment je pourrais appeler ça, ce qu'on appelait là, les anges déchus, là, ces affaires-là. Donc, c'est pour ça que, jusqu'à un certain point, je me sens plus proche même, je me sens plus proche des croyants qui se méfient que du monde comme Glenn, là. Parce que j'ai l'impression que c'est une crosse. J'ai ce sentiment profond-là que, dans le fond, les extraterrestres, c'est une forme pour nous manipuler. Puis que ça a tout le temps été de même, que ce soit les dieux, tout ce qu'il y a eu dans les folklores, les divinités, de tous ces êtres-là qui servent de l'humanité, dans le livre d'Enoch, les anges déchus qui Les viennent géants. fourrer le chien, puis ouin, puis là, tu sais, puis. Fait que c'est sûr, je me sens plus. Je le sais dans le fond que peu importe l'idée que je m'en fais, ça sera pas la bonne. Parce que c'est toutes des formes. Puis au fond, je le sais pas. Mais il reste que les affaires d'OVNI, ça m'impressionne pas. Ça m'impressionne pas. Puis j'en ai vu deux fois des OVNI, puis c'était fucké, là. C'était bizarre. Puis ça m'a marqué. Puis je me rappelle, c'était en train d'arriver, j'étais là, ben voyons donc. Ben voyons donc. J'avais tellement l'impression de me faire avoir, de faire rire de moi. Puis ça fait un bout de temps, puis ça fait au-dessus de 10 ans, j'ai l'impression d'avoir fait rire de moi par quelque chose. J'ai pas confiance plus entre les autres affaires que. Puis là, tout ce qu'il y a eu là, avec les années 60, puis Star Trek, puis ces affaires-là, c'est comme si on nous préparait à entrer dans une sorte de. Moi, à mes yeux, ça a rapport avec les projets justement de monde nouveau, là. Puis, c'est comme si y a cet aspect-là, que ça va être un peu comme. Ça va faire partie un peu de ce qu'on pourrait appeler la religion. C'est pour ça que, quand eux autres, je les écoute, tu sais, dans le fond, le monde peut penser que je les haïs ou que je les méprise, mais ça n'a pas rapport, là. Mais quand ils ramènent des affaires comme Star Trek, puis des affaires de même, moi, ces affaires-là, je trouve ça ridicule. Puis, c'est pas parce que je porte un jugement ou je suis méchant, puis tout, mais. Intérieurement, j'ai tout le temps trouvé ça ridicule. Pour moi, c'est des contes pour enfants, ces affaires-là. C'est un peu comme le Père Noël. Ça me fait le même effet. Quand j'étais petit, ma tante avait voulu m'amener au centre d'achat. On va aller voir le Père Noël. J'avais 3 ans et demi. Puis, il n'y a jamais personne qui me l'avait dit, que le Père Noël, c'est pas vrai. Puis, j'avais dit que je voulais rien savoir. Puis, même elle avait fait bérir parce que j'avais dit cet imposteur-là, puis elle avait trouvé ça tellement drôle. Ben, ça, je le savais intérieurement que c'était pas réel. Je veux dire, j'ai jamais cru à rien, même petit. À part, oui, j'ai déjà eu des croyances parce que probablement que le gène que Bill Gates veut enlever, là, qui fait qu'il y a du monde qui sont croyants, là, puis là, il dit que lui, que ça pourrait régler les terroristes, puis tout. Ça, probablement que je le lis, ce gène-là. J'ai tout le temps eu un aspect un peu spirituel, tu sais, j'ai tout le temps senti qu'il y avait de quoi, qu'il y a quelque chose, je le sens. Mais toutes les affaires qu'on nous sort, puis de, tu sais, Christian Robert Page, puis à Canal Z, puis ces affaires-là, moi, j'ai le sentiment intérieur qu'il y a quelque chose là-dedans pas réel. Puis surtout le fait, les aspects, c'est comme Star Trek, moi je suis pas capable de ces affaires-là, ou Star Wars, ou ces Mais affaires-là. ça sert à J'ai préparer le immédiatement un terrain pour sentiment de certaines ridicule. choses. Je trouve ça ridicule, David. Mais Ça me fait penser au cosmisme russe, puis ces oui, affaires-là. mais C'est si tu ça, me j'ai permets de faire pensé. l'avocat du diable, Star Trek, qui a été amené à la fin des années 60, en présentant entre autres l'appareil qu'ils utilisaient pour communiquer ensemble, on avait le téléphone cellulaire à flip qui est apparu par la suite. Donc, ça sert à amener des concepts par rapport à certaines technologies. Introduire Oui. Mais Des c'est choses. ça, dans le fond, ça sert à préparer les masses, la Oui. fiction. Puis le fait que la gang à Glenn, leur référent, c'est toute de la fiction quasiment. Ou bien ils nous sortent des affaires comme Adamski. Adamski, je ne crée pas à ça. Je suis sûr que c'est une manipulation. J'y ai jamais cru. Puis c'est pareil pour tout le reste. Il y a tout le temps quelque chose qui accroche, qui fait que je suis pas capable, j'y crois pas. J'y crois pas. Je suis comme toi, je le sens Et... quand c'est faux. On le sent quand c'est faux, mais on n'est pas capable d'expliquer tout le temps pourquoi c'est faux. Mais moi, je Ben oui. sais. Depuis là, ça fait 30 ans que je dis que le seul extraterrestre que je vais tolérer, c'est moi-même. Fait que. Ben oui, ben je me suis posé des questions par rapport à moi-même, si je n'étais pas moi-même le résultat d'une expérience génétique. Parce que je me disais, je suis donc ben un chien dans le fond, c'est pas normal. Je veux dire, j'y trouve toute cave, toute la gang. Je veux dire, toutes les religions, quelque part, toutes les philosophies, toutes les. Je suis pas capable, je suis pas capable. Puis je me disais, ben coudonc, j'ai quoi? En plus, bon, ben, mon père il avait été militaire, puis des affaires de même. Puis à un moment donné, bon, j'ai ma maison, je mets sa part, puis tout d'un coup, il y a des phénomènes, là, entre guillemets, parce que même là, j'y crois pas, mais tout d'un coup, il y a des phénomènes ufologiques au-dessus de chez nous. Puis là, je suis là, bon, je suis en train de faire une psychose, moi, là, puis là, je me rends compte que le voisin, l'autre bord de la rue, puis sa femme, il panique, puis que les chars ralentissent. OK, là, j'étais pas content. J'ai dit, Chris, c'est pas vrai. Parce que, ben, franchement, comme tu parlais, comme l'affaire, les extraterrestres qui viennent, puis nous aident à améliorer notre niveau de vie, ben, moi, j'ai tout le temps voulu avoir la même affaire. C'est-à-dire que avoir une vie que je suis bien, que je mange à ma faim, que j'ai pas trop de casse-tête, même si ça en prend un peu pour nous tenir la tête en forme, puis, tu sais, que je suis heureux, que j'ai mon terrain, que je peux jardiner, que, tu sais, puis moi, c'est juste ça que je demande, Chris. Tout ce que je demande, c'est d'avoir une vie normale, avec du monde normal, dans un monde normal, un pays normal. Puis depuis que je suis petit, que j'ai le sentiment profond, il n'y a rien de normal sur cette planète-là, puis dans cette société-là, il y a tout le temps de quoi qui ne va pas. Il y a tout le temps de crosse quelque part. Moi, je voudrais juste avoir une vie normale. C'est Puis je ça, m'en mais en fous même temps, qu'il comme y ait une tu. vie ou pas après la mort. Je veux juste avoir la Ouais. paix. Puis je ne l'ai jamais eue. Mais en même temps, comme tu C'est juste disais. ça, là. Ouais. Je te comprends. Oui, mais comme tu disais il y a quelques instants, parce que toi, ton père a été policier. Souvent, Ouais, entre autres. quand les gens sont policiers, ils vont à penser sale, c'est-à-dire à regarder qu'est-ce qui fonctionne pas pour repérer, par exemple, quelqu'un qui ferait une attaque terroriste ou autre. Donc, une façon pessimiste d'appréhender le monde pour faire face à des menaces, des imprévus, surtout si la personne a assumé la sécurité, garde du corps, des fonctions comme ça. Des fois, je me pose la question si tu n'as pas été imprégné de la mentalité du policier qui consiste à penser sale. Ben oui, mais gars, en ayant eu un père policier, je le sais que c'est toutes des sales. J'en ai jamais vu rien du monde qui ont de l'autorité puis qui sont vraiment propres, là. Tu sais, je veux dire, puis même dans le temps que je pouvais pas, même à 2 ans, tu sais, je veux dire, comme il y a ma mère qui est encore vivante, elle pourrait t'en parler, je faisais confiance à personne. J'ai jamais fait confiance à personne. Même, j'étais pas un bébé normal. Je pleurais pas, je dormais pas beaucoup, je me suis mis à parler trop de bonheur, c'était pas normal, je faisais des phrases complètes, tellement que ça me faisait peur un peu, là. Il y a des amis de ma mère, ils disent, voyons, tu entends, où est-ce qui a pris ça? Je le sais pas. Ou bien des fois, j'étais dans ma chaise haute à la table, puis là, je suivais la conversation de même, puis là, il y a des amis de ma mère qui étaient traumatisés, elle dit, nous écoute. Puis ma mère a dit, oui, écoute. Oui, mais il suit la conversation, il comprend ce qu'on dit. Ma mère disait, ben oui. Ou à un moment donné, il y avait eu à la télévision, il y avait eu une explosion, tu sais, il y avait eu une explosion avec du monde qui meurt, puis je m'étais mis à pleurer, puis une de ses amies qui était traumatisée a dit, il a compris ce qu'il a vu. Mais j'ai tout le temps été de même, dans le sens que Exact. on, je veux dire, moi, je peux pas, c'est Mais bien je le me suis malheur, mais déjà posé la il y a question pas par d'argent rapport pour avoir. à On toi. change Oui. pas tant que ça. Excuse-moi, Oui, David. vas-y. Ben moi, je pense qu'on vient avec le contact actif ou pas. C'est clair que je me reconnais dans ce que tu décris, pas de la même façon, mais je pense que toutes les gens qui ont une connexion active, David, je suis sûr qu'on a tout depuis le début, on se sent différent. Moi, j'ai toujours dit à ma mère, je me suis trompée de pays. J'ai aucun sens de l'orientation, puis je trouvais que je vivais dans un monde de fous. J'ai Ben, 8 ans. j'ai un petit peu la même chose que vous, puis sans doute des auditeurs et auditrices qui nous écoutent présentement, qui partagent cette différence, cette Parfait. sensibilité particulière qui détonne du collectif. Une intelligence supérieure aussi, même si on ne le dit pas, je suis sûre que Berthold, c'est une intelligence supérieure. C'est pas parce qu'on est supérieur, mais moi, je sais que j'ai été identifiée supérieure au niveau intellectuel Ben pour ce par qui est de Berthold, l'expérience. tu avais déjà mentionné que quand tu étais jeune, puis tu en as parlé publiquement, c'est pour ça que j'aborde la chose, que tu avais été évalué par des psychologues au niveau quotient Je voulais intellectuel. savoir c'est quoi qui marchait pas, tu C'est sais. ça, comme moi, Parce exactement. que justement, j'étais un paquet de troubles pour l'école, puis ils me considéraient comme un paquet de problèmes. Tu sais, moi, en tout cas, j'ai eu rien que des problèmes, dans le fond. Puis finalement, bon, c'est pour ça, tout ça pour dire, j'ai l'impression qu'on est testé. Totalement. Carrément. Puis c'est pour ça que ces affaires-là, si on embarque à peine la planche dans une version quelconque, c'est sûr qu'on va se faire avoir parce que c'est sûrement pas comme on pense. Et jamais Ça se comme peut. on pense. Non, Puis nous, exactement. En fait, par rapport à la date du 24 février 2023, on verra bien, mais je voulais amener le sujet non pas parce que j'y crois, mais parce que présentement, ça se parle beaucoup sur le web, puis bon, on est à quelques jours que ça arrive. Donc, il Ben, y a. plus il va y avoir de peur, David, sur cette planète, plus il va y avoir de spiritueux à mort pour nous sortir toutes sortes de conneries. Là, on rentre dans l'ère que Bernard disait à l'époque, pas chanceux celui qui n'a pas de contact actif dans les prochaines années parce qu'il ne saura pas quoi croire. Parce que c'est plein de mensonges, puis là, c'est dévoilé, puis il y en a qui répondent à la propagande d'un bord. Donc, si tu n'as pas de centricité, tu n'as pas ton contact pour t'informer ou avoir une impression, un senti, une perception, appelez-les comme vous voulez, là. Ben, Ben, c'est pour ça justement, que oui, ça vas-y. m'inquiétait. Ça m'inquiète. Parce que, mettons qu'il y a un contact qui se fait, là, officiel, là, il arrive, là, puis là, il y a des gros vaisseaux, là, visibles de tous, là, puis là, ça se met au-dessus de certaines montagnes, puis ça reste là un bout. Là, on va être pris entre ceux qui sont la religion des extraterrestres, si on peut dire qu'ils sont en extase, puis les religieux à l'ancienne qui disent c'est le démon. Puis on va être pris entre les deux. La chicane va pogner, là. Ça va engendrer du chaos. Ça n'a pas le choix. Fait que là, on fait quoi, là? Ça arrivera Parce pas. qu'ils ont peut-être un peu raison, les deux. Fait que moi, c'est Exactement. pour ça que je pense qu'il n'arrivera pas grand-chose. C'est pour ça Mais. qu'ils préparent la Terre. Oh, la noosphère va descendre finalement. Ah oh, oui, ce soir-là, j'ai eu. Puis là, ci, puis ça. Puis finalement, c'est parce que nous, on est le bon grain. C'est ça, C'est pas ça. mais on peut tout le temps réinterpréter que, dans le fond, le contact va se faire en 2023, mais dans le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire dans la psyché de l'individu où celui qui est pur, l'élu, va communier à la conscience nouvelle, la noosphère, où résident les extraterrestres. Tu sais, on peut amener Ben ça moi, à d'une mes yeux, certaine la façon. noosphère, c'est l'astral. Ben, c'est une perspective très pertinente par rapport à ça. Tout à Et fait d'accord avec Berthold, moi. ben là, j'ai pas Moi, de envie toute que ça façon. descende. Moi, le contact dans le sanctuaire intérieur, ils vont manger de la marde, C'est là. ça, mais ça peut être interprété comme étant la descente du paraclet, les langues de feu qu'auraient bénéficié les apôtres dans la Bible. Bon, c'est autre chose, ça. On Je peut-tu veux dire. dire, les gars, que moi, pour moi, il y a des extraterrestres, c'est sûr que ça existe, il y a d'autres formes de vie, pour moi, c'est évident. Mais il y a des formes de vie. Celle que moi je parle, qu'on parle du supramental, ces formes de vie-là n'interviennent pas dans la vie des humains comme on le pense. Premièrement, pour justement être un jour libre, si on veut être une race libre, parce que c'est ça l'objectif, d'après moi, de la création de la race humaine, c'est que ça va être la seule race libre de tout, de toutes les hiérarchies existantes dans les univers. C'est très, très stratifié puis hiérarchisé. On va être libre, nous, Ben, dans les 3000 ans. ils Mais interviennent quand même avec des plans de vie. j'ai pas fini. Attends, j'ai perdu l'idée. Pardon? Oui, je veux dire, mais au niveau supramental, les entités éthériques interviennent quand même en mettant en place des plans de vie, des programmations. Ben, c'est toi qui choisis ton plan de vie, man. Choisir, c'est C'est un nous grand qui mot. choisissons notre plan de T'es-tu vie d'accord quand avec on est. ça, toi, Bertrand? Ben, supposément qu'on les archive avant de descendre. Fait que, tu sais, je veux dire, une fois que t'es dedans, là, c'est l'impression que tu te le fais imposer, le plan de vie, mais Mais c'est il parce que pour reste que. choisir un plan de vie, un peu pour consentir à une vaccination, ça prend un consentement libre et éclairé. Or, tant que la personne n'est pas totalement consciente, ben, elle peut pas Ouais, mais choisir. c'est une fois que tu es dans le plan de vie que tu es plus conscient que tu as fait des choix. Donc, tu deviens La planète, amnésique. la descente sur la planète Terre, David, fait perdre la mémoire de tout ce qu'on a vécu. On a une moyenne de 6 000 vies sur la planète avec la même crise d'âme, là.

Je suis pas sûr, puis je vais tout le temps avoir une espèce de. Parce que il y a tout le temps quelque chose en moi qui me dit je me suis fait manipuler. Puis dès que je crois quelque chose, je suis en train de me faire manipuler. Au point où finalement, ça a fini par créer au niveau de une sorte de vide un peu qui fait que ben, je peux pas embarquer dans rien. Je ne peux pas embarquer dans rien. C'est comme la réincarnation. J'ai regardé les différents systèmes parce que là, bon, les Sikhs, par exemple, comme les hindouistes, croient à la réincarnation, mais c'est un petit peu différent de la façon qu'ils voient ça. Il y a longtemps, les Juifs, ils ont déjà un petit peu, bon, tu sais, je veux dire, la métempsychose, ces affaires-là. Mais il reste que je ne peux pas adhérer à rien. Je ne suis pas capable parce que je n'ai pas confiance en rien. Je n'ai pas confiance en mon propre entendement. Parce que je sais que je suis un être humain, je sais que j'ai un ego psychologique, je sais que je suis limité, je sais que je rationalise des perceptions. J'ai lu tout sur les expériences en psychologie clinique, comment est-ce qu'on est subjectif sans s'en rendre compte. Puis finalement, ça a fini par créer une sorte de vide où je ne peux pas croire en rien. Même, comment je pourrais dire ça, à un moment donné, il y avait des questions, je pense que c'est le philosophe Malebranche qui s'était astiné avec un bonhomme. Le bonhomme, il n'était pas sûr de sa propre existence. Puis Malebranche, je n'ai jamais réussi à y faire, à y prouver, à y démontrer que l'existence existait. Tu sais, je veux dire, ça se tenait dans des c'était tellement paradoxal que l'intellect n'a plus de... Donc, bon, j'avais vu aussi Ben, c'est un voyage astral, tu as fait, mais un voyage astral, on parle de programmation, de subjectivité, puis qu'on a des mémoires. Mais moi, quand j'ai fait mes voyages astraux, je savais même pas le mot. Tu sais, je suis tout petite, puis je voyage, puis je me promène, puis je sais même pas c'est quoi. Donc, j'ai C'est fait. des expériences qui existaient déjà dans la mémoire de l'humanité, Ouais, puis ça se l'enfant, il est bien sensible. Puis... Tu peut. Ouais, ça se peut. sais, on a tous eu des... C'est comme mes premiers rêves lucides, j'étais enfant. Mais c'était, quelque part, c'était un petit peu comme ça, là. C'était un petit peu comme des voyages à... Puis Ouais, moi, ce que... mais c'est différent, Bertol. Un rêve conscient, puis un voyage astral, pour moi, c'est différent, mais je suis d'accord Ben, avec pour moi, c'était la des rêves. mémoire, je suis Pour d'accord. moi, c'était des rêves. Puis ça, c'était pas normal, mettons, comme rêve. Ça se rapprochait un petit peu. Par contre, la première décorporation que j'ai eue, c'était fucké, là. C'est parce que tout le temps que ça a duré, j'avais pas peur, puis j'étais pas inquiet, puis tout. Mais quand je suis revenu à l'aube, puis je me suis réveillé, j'étais terrorisé, parce que c'était pas normal. Ben, c'est pour ça que j'en fais plus. J'ai dit que je voulais plus voyager, j'ai eu peur. Exactement. Je me suis ressaisi tout de suite, parce que je pensais que j'étais observé. Puis j'ai dit, ils vont voir que j'ai peur. Mais, tu sais, la peur m'a pris. Mais, tu sais, je veux dire, c'était tellement spécial, là. C'était tellement... Ouais, j'ai jamais revécu une affaire de la même. Puis, même... Parce que, tu sais, ça faisait des années que j'essayais, puis j'essayais. Puis, à un moment donné, ça m'a dit, on va aller voir. Tu sais, tu perds ton temps. Parce que je faisais comme des espèces d'exercices internes, on peut dire. Puis, à un moment donné, ça dit, tu perds ton temps. Viens, on va aller voir. Dans ma... Tu sais, puis comme... Tu sais, je m'étais mis à lire la Genèse à Bernard, puis tout, moi, par après, quand je suis revenu, puis tout, j'en ai déduit, c'est le double. C'est le double qui m'a dit, viens-t'en, on va aller voir. Mais aujourd'hui, je me le demande. Je me le demande. Je me dis, peut-être que les cabochons, les cabochons, bon, je peux pas dire ça, c'est pas fin, mais peut-être que les croyants fondamentalistes, dans le fond, c'est eux autres qui ont raison, puis que c'est Satan qui m'a amené voir ça pour me confirmer dans ma croyance subjective, pour me perdre. Puis qui est là le test. C'est pour ça que je vous dis ma pensée est colorée, parce que je reste quelqu'un qui est coloré par des vieilles affaires. Puis il reste que Mais si t'es conscient d'être je donne coloré, pas. c'est plus sain que l'autre qui baigne dans la croyance sans avoir le recul critique. Moi, Moi, c'est parce que c'est un peu comme le pari de Blaise Pascal, dans le sens que si je me trompe, je perds rien. Mais si tu as raison, tu gagnes tout. Donc, ça vient jouer sur moi, puis ça vient jouer avec ces aspects-là qui sont liés, dans le fond, à ma personnalité, puis c'est subjectif. Mais là où moi je te Mais il rejoins, reste que... c'est que tu crois pas, puis je trouve que c'est important de faut l'expérimenter. Si on peut, t'sais, si on expérimente quelque chose, moi je pense qu'on peut le parler sans nécessairement le croire, mais c'est bon de ne pas croire. C'est ça que je trouve intéressant dans tout ça, c'est peu importe ce qui est arrivé, tu y crois pas. Puis c'est ça te Non. protège. Moi, je pense que. Mais non, ben, il dit ça souvent. Il dit toi, ce qui te protège, c'est que l'occulte, t'en as rien à chier. Ben oui. Ben oui, c'est réel. Moi, l'occulte, je ne m'occupe pas trop de ça. Ça m'intéresse pas. À part moi, j'ai un contact depuis que je suis petite qui me parle dans l'oreille droite tout le temps, il est fatigant. Puis je sais c'est qui maintenant. Mais à part ça, il me gosse pas. Fait que quand je lui parle, il répond, mais sinon, il me gosse pas. En notant que moi, tu sais que tu ne reçois pas des, comment je pourrais dire ça, des mauvais records. Là, des... Il y en a. Ben, je l'ai Non, connu du monde c'est que. Tu sais, c'est ça, là, des fois, c'était, il y avait des mauvais records, là, si on peut dire. Puis tout moi, le d'un contact coup. que j'ai, je l'ai toujours expliqué, c'est informatif, c'est, ça raconte pas d'histoire, c'est pas, ça va me dire, des fois, pas tout le temps, mais des fois, si je dis, bon, je fais quoi aujourd'hui, des fois, je me lève, je sais pas quoi foutre de ma vie, hein, je suis là, j'attends, puis là, je dis, bon, je fais quoi, là, il dit, ben, vous faites à l'affaire. Sans plus, c'est pas, tourne à droite, Ah ouais. c'est pas, tu vas tourner à droite, si tu tournes pas à droite, il va t'arriver ta l'affaire, là. Ben, moi, moi, je le trouve chien. Ben, Je suis d'accord avec franchement, toi, je là. suis un chien sale. Ah. Parce qu'à un moment donné, hey, je suis en train d'acheter des cartes prépayées parce que je suis une personne que je connais. Bon, elle me dit, ah, telle personne est malade. Puis, il faut y envoyer des cartes prépayées. Puis moi, je veux dire, je les ai pas vues. Je sais pas comment qu'elle, par rapport à quoi qu'elle a su ça, puis tout. Fait que pour y rendre service, moi, je suis rendu à aller acheter des cartes prépayées pour y ramener ça pour son ami qui est malade. Puis pendant que je suis en train de les acheter, ça me dit, fais pas ça, c'est une fraude. C'est clair de même. Fait que là, je reviens, puis je dis, ben, je les ai pas achetés finalement. Je peux-tu voir? Puis là, elle me montre les courriels. Là, je check ça. C'est ça, c'est une fraude. Mais, tu sais, mais, par après, j'étais content, je me dis, ils m'ont prévenu, c'était une fraude. Ils ont senti son frein. Mais maintenant, Jusqu'à ce qu'ils je disent reviens comme en colère. Ouais, après, je reviens en colère, puis là, je pose la question, je dis, si ça avait été mon propre argent, vous me l'auriez jamais dit que c'était une fraude. Tu réponds, non, on te l'aurait pas dit. t'aurais vécu l'expérience. Mais C'est c'est ça, peut-être pour on te ton l'a dit. bien, pour que tu te développes par toi-même en étant sceptique sans le support psychique Oh. d'eux pour y C'est tout le arriver. temps comme pour nous, c'est tout le temps pour notre bien. C'est Ils nous ça, moi, qui me. testent tout notre croyance. Une année, moi, ils me faisaient gagner à la loterie, toutes sortes de montants, puis je les suivais, Ah. j'écoutais. Puis là, une année, ils m'ont fait perdre. Là, c'est là que j'ai compris la game. Je dis, oh, si tu gardes pas chier, tu sais. Mais t'as-tu gagné des montants importants d'argent à la loterie? Non, mais c'était toujours, ah, oh, va acheter un billet, tu vas gagner. Puis je gagnais 10 piastres, 20 piastres, 200 piastres une fois. Sans plus, mais ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis à un moment donné, ils se sont même donné l'inverse comme information, tout simplement, pour que j'arrête d'écouter, de décroire. Puis c'est aussi pour éveiller notre colère. C'est ça que j'ai compris. Éveiller notre colère pour on parlait de verticaliser, horizontaliser le contact, là. Mais c'est un peu ce travail-là qui se faisait à travers moi de ma colère. À un moment donné, j'ai dit, Christ, tu pourrais me donner de l'information plus intelligente sur ma vie que des niaiseries de 20 piastres, là, de loterie, mignon. En mon colère, colère. À un moment donné, le rapport s'est un petit peu horizontalisé, je dirais. Puis, je me suis mis à avoir une discussion plus intéressante avec mon contact. Puis, à partir du moment où puis à un moment donné, j'ai dit, garde, j'étais écœurée. J'ai été 10 ans sans m'occuper de ça. Je dis, là, c'est assez, je fais ma vie. Puis, Mais t'as-tu aujourd'hui, aussi des phases? Ça suit des cycles comme des phases. oui, c'est des phases. Tout à fait. Jeune, j'en avais parlé, j'avais un contact, un mené qui a des contacts, comme je te dis, qui me dit, bon, là, je te quitte. J'étais jusqu'à l'âge de 10, 14, 15 ans, jusqu'à 25. L'accident d'auto, paf, ça recommence, cette affaire-là. Bon, OK. Mais, comment dirais-je? Ça mène nos vies pareilles. Parce qu'un jour, j'avais ri, parce que Bertha, je trouvais qu'il y avait une phrase juste quand il a dit, moi, j'ai changé de boss. Je suis passé du boss de la stèle à l'autre boss, l'autre bord. Supramental. C'est des boss, c'est des bosseux. Puis à un moment donné, pas il faut, parce que c'est pas une volonté, c'est une énergie. Moi, je suis très électrique. À un moment donné, la colère a monté. Puis j'ai dit, là, ça va faire tes hosties niaiseries. Là, si tu as quelque chose à me dire d'intelligent, tu vas attendre la question. OK? Bye! Fait que maintenant, je pose des questions, ça me répond si je suis pas curieuse. Aussitôt que je suis curieuse, ça dit, oublie ça. Si je veux Ouais, savoir ben. venir pour le monde que j'aime, là, je ne l'aurai pas l'information, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, c'est ça. Ben, souvent, ça va m'avoir confirmé des affaires avec des affaires anodines, des conneries, pour me montrer qu'il y a quelque chose. Puis dès que c'est important, il ne me donne pas l'information. Peut-être le but, Puis, c'est c'est ça. justement qu'ils se manifestent pour signaler leur existence à toi, mais en même temps, sans pour autant nourrir ton ego pour qu'il soit en puissance. Bon, ben, oublie ça. Quand tu es en contact avec ça, l'énergie, le pouvoir, tu veux dire, la puissance, on devient puissant. Moi, je dérange le monde en Christ, les amis, je suis désolée, là, mais il y a du monde qui m'haïsse la face rien qu'à moi les deux yeux, là. Puis j'ai rien dit Ouais, encore. c'est tout. Contact, quand c'est installé, quand il y a quelque chose de très fort, de très solide dans l'individu qui s'installe, puis ça, c'est une autorité, c'est l'autorité que j'appelle, de l'autorité. Oui, ben, On a centre de gravité. une gravité, puis ça, j'ai eu souvent des gens qui me regarde-moi pas de même, c'est quoi ton problème? Ben là, genre, le plafond, je sais pas. Ah, moi, je m'aime pas, ils s'en vont, ou bien. Il se casse. Ouais, ben, elle m'a amené une, elle a failli faire un accident, elle me voit, elle se met à faire son signe de croix dans son char, elle a failli. Une fois, une gang de bicycles, il avait organisé une affaire en ville, puis il y a dit, c'est des bicycles, tu sais, qui tournent en rond, là, je sais pas c'est quoi, comment ils font ça, je connais rien là-dedans. Puis, je suis en train de marcher sur le trottoir, puis il y a un des cyclistes que ça a donné qu'il y a eu un contact visuel, tu sais, les yeux dans les yeux. Il s'est planté, puis il a planté tout le monde. Puis ils sont tous vraiment là, je filais mal. Je filais mal, j'ai dit, Christ, je les ai tous sacrés à terre. Mais pourtant, tu sais, je veux dire, c'est pas volontaire, puis c'est mécanique. Tant qu'à moi, ça a donné comme ça. Mais c'est Mais ça, reste que c'est... c'est tannant. Oui, exact. Mais dans ce cas-là, tu sais, est-ce que tu avais à te sentir coupable dans le sens que si c'est son énergie qui circule à travers toi, de l'esprit, ben là, puis eux autres, ils orchestrent des programmations, mais ben peut-être qu'eux autres voulaient créer des chocs par rapport à ces individus-là, tu sais, en te servant de toi comme interface. Ben ouais, mais je trouve pas ça utile dans le fond. Je vois vraiment quelque chose d'accidentel puis de mécanique là-dedans, dans le fond. Parce que c'est juste. Ben c'est comme. Là, je vais me dompter, là, mais j'avais cette habitude-là. Quand je voyais un chat, j'y parle. Mais là, il faut que j'arrête de faire ça. Il me lâche plus. Tu sais. Ben là, comme j'en voulais pas de chat, j'ai fait ça une fois, j'ai dit ah, bonjour, puis là, je continue à fumer dehors, puis là, le chat, il me lâche plus après. Fait que là, bon, j'en prends soin un bout de temps, puis tout, puis maintenant, moi, j'en veux pas de chat. Fait que là, j'appelle la SPCA, puis je m'en débarrasse, puis là, j'ai de la peine, puis je m'en veux. Un autre soir plus tard, je revois un autre chat, bonjour, Minou. Encore le chat, il est en amour avec moi, puis il me lâche plus, puis je suis pris avec. Fait que là, bon, c'est bien de le garder, celle-là, mais il reste que. Faut plus que je dise bonjour au monde, faut plus que je parle aux animaux, faut plus. Je me ramasse, tu sais, c'est dans le fond, c'est comme que j'ai accumulé du magnétisme, mais là, je trouve ça déplaisant, là. Parce qu'à un moment donné, c'était rendu, c'est les Suisses, puis toutes les bébites, ils viennent me T'es rendu voir, comme puis ils me Saint-François regardent. qui parle aux oiseaux? Ben oui, mais je m'en passerais, moi, là. Parce que, tu sais, c'est comme le chien de la voisine, il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime tellement, il n'est pas capable de le sortir dehors sans qu'il s'enligne à la porte ici. Tu sais, ça vient de tannant. Il y a d'autres mondes, ça va faire le contraire. Il y a d'autres mondes moi, ils sont pas capables, je le sens tout de suite, hein, puis ils s'éloignent tout de suite parce que dans le fond, ils sentent de quoi, puis ça lui fait peur. Il n'aime pas ça. Mais il reste que ça vient tannant. Ça vient tannant. Tu sais, c'est arrivé du monde. Bon, en tout cas, mais il reste. Là, on parle, on sait pas, hier pour la revue de l'année. Mais, tu sais, je veux dire, je trouve que toutes ces affaires-là, qu'on pourrait appeler tout ce qui est le domaine un peu de ces choses-là, par rapport au contact, par rapport à. Moi, je trouve que c'est un paquet de troubles. Je suis d'accord avec toi, c'est un paquet de troubles à gérer. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas eu le choix de gérer. J'ai pas voulu ça dans ma vie. Tu sais, quand tu dis que tu voulais une vie simple, là, je comprends tellement, Bertol. J'ai tellement essayé de rentrer dans des cadres de simple, une petite vie simple. C'est moi après, tu sais, genre. Mais la vie m'a brassé autrement. Puis il y a eu des choses qui sont passées qui sont en dehors de ma volonté. Ce contact-là, je l'ai jamais demandé. Je suis poignée avec, comme je dis. Des fois, on le subit. Moi, je trouve que je le subis par moment. Puis maintenant, parce que j'ai ça, je dis. Là, ça a arrêté il y a à peu près 10 ans de me gosser. Mais c'est gossant. Puis on Exactement. est Puis là. le paradoxe, c'est peut-être des gens qui nous écoutent qui disent ah, j'aimerais ça avoir un contact comme Mona ou comme Berthold. Il y en a peut-être qui nous écoutent qui vous envient. Moi, j'ai déjà communiqué avec des gens sur Facebook, je n'aimerais pas leur nom. Puis il y en a qui vous idéalisent, là. Je sais pas, vous en êtes. Ben, oh non, non, faut pas. Je Pas un sais qu'il faut live pas, mais c'est sportif. pour ça que j'en parle avec vous. C'est-à-dire que l'ironie du sort ou le revers de la médaille, il y a des gens qui, bon, ils ont idéalisé Bernard de Montréal, Daniel Camp, etc., qui aimeraient être fusionnés comme eux pour avoir accès à la parole, le savoir, mais en bout de piste, la personne qui vit ça pour le vrai, ça se peut justement qu'elle subisse des inconvénients, puis finalement, elle aimerait bien avoir la paix, puis être comme tout le monde. La bonne Ben, nouvelle. après, même qu'elle l'ait vécu, elle va vouloir avoir la paix. C'est ça. Exactement. Des fois, je me demande si c'est pas ça le C'est un but. chemin de croix, Bertol, dis-le. C'est un chemin de croix, cette crise Ben, d'affaires-là. Ça dure 20 ans, cette crise d'initiation-là, quasiment. C'est un chemin de croix qui nous rentre dans le corps. J'ai jamais voulu, moi, être ce que je suis aujourd'hui. Si on m'avait connue, si vous avez une image de moi à 16-17 ans, je ne parle pas, je suis hyper timide, je pleure pour à peu près rien. That's it. Aujourd'hui, j'ai la gueule, m'arrête pas, je me bats avec tout le monde, puis je me tiens debout sur tout. Il y a quelque chose qui a été transformé ma vie, mais je n'ai pas voulu ça, puis ça a été des années de grande souffrance. Alors, faites-moi rire que vous voulez ça, vous n'en voulez pas. Parce que Bertolt, il a souffert, je le sens. C'est des grandes souffrances, ça nous arrache par en dedans, subtilement. Mais c'est un arrachement. À un moment donné, je ne savais même plus comment je m'appelais, tabarnak. Mon nom, ça me prenait 3-4 secondes de trouver mon prénom. C'est le fun, ça, se présenter en public à manche de même, tu sais. Non, non, c'est Ben, pas le fun. des fois c'est comme si je pouvais même plus parler. Il y avait ça marchait plus. Le monde, il voulait socialiser puis me parler, puis j'étais complètement vide. C'est ça. Fait que c'est des affaires que bon. Tu sais, je veux dire, là, il y en a qui vont dire, ah, ben là, c'est parce que t'as de quoi dans la tête? Ben oui, tu sais, je veux dire, j'ai couru pendant des années, même faire des électroencéphalogrammes, pour savoir s'il y avait de quoi qui marchait pas. Je disais, non, tout est beau, tout est correct. Tu avais l'impression que le cœur t'attend. Ben, des fois, je me réveillais dans mon lit, je Ça. sais pas, je suis où, je sais pas, je suis qui, puis je sais pas, je suis quand, puis je sais pas ce qui se passe. Puis là, j'ai peur. Tu sais, je suis complètement perdu, là. Tu te réveilles, puis t'es comme un petit bébé qui se réveille tout seul dans le fret, dans le noir, puis qui sait pas, qui est en danger, parce que je me rappelais plus j'étais qui, je me rappelais pas j'étais où, je reconnaissais pas ma chambre, puis j'avais peur. Puis là, c'est de la terreur, ça. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois, puis ça prenait quelques minutes avant de me rappeler. Mais ça, c'est des affaires, c'est. Dans ton corps. Ah oui, Il y a c'est un des délai affaires qu'on de veut pas oublier. téléversement d'informations. Hein. Mais toutes ces expériences-là, je trouve que ça nous ramène au fait que l'intégration de l'esprit ou d'un contact, c'est pas un cadeau. Il y a des gens qui peuvent désirer ça, puis être envieux, puis sur le web, il y a plein de monde. Ah, oh, j'aimerais ça qu'être comme lui, gna gna gna, mais si vraiment ces gens-là sont confrontés à cette réalité-là, peut-être qu'au contraire, ils vont vouloir trouver une vie normale. Il y a beaucoup de gens qui sont restés là-dedans aussi. Moi, j'en connais qui se sont suicidés en passant. Ouais, ben, moi, je trouve que le supramental, c'est un milieu où il y en a beaucoup. Je veux dire, le monde qui s'intéresse à ça, ben, du monde qui se suicide. Oui, parce qu'ils font la guerre à l'astral, Bertol, et non à leur astral. Ça, c'est un danger phénoménal que les initiés, les gens qui commencent à prendre conscience ou qui vivent ça, je l'entends chez certaines personnes que vous connaissez, que je nommerai pas. Mais quand tu commences à faire la guerre à l'astral, tu l'as déjà dit, Bertol, ça amène au suicide. Ça finit mal. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer au plan astral. On peut s'attaquer à notre astralité individuellement. Juste ça, c'est une job d'une vie, peut-être de deux, trois vies. Je ne sais pas, tu crois pas à l'incarnation. Mais bref, c'est une histoire d'une vie, ce qu'on parle. C'est Quoique sûr. Bernard de Montréal, dans le fond, faisait la guerre à l'astral mondial. Bernard, c'est Bernard. Moi, papa, moi, je ne suis pas Bernard. Puis je ne suis pas un avatar, David. T'as arrêté de mettre Bernard comme. Ça, c'est une affaire que je veux parler. Je suis plus capable d'entendre les idiots qui parlent de Bernard. Je suis désolée, là, je ne parle pas de Bertolt. Parce que Bertolt, il a eu l'intelligence de dire quand on n'a pas connu quelqu'un, on évite de juger. Ben, c'est ça. Ce serait bien. Parce que moi, ce que j'ai vu de Bernard, je vous le dis, là, c'est comme avoir croisé Jésus dans les 2000 ans. Alors, Bernard, ce qu'il dégageait, il n'était pas parfait tout le temps, là. C'était un humain, puis il avait de l'ego, puis il y a bien des histoires qu'on pourrait raconter, mais que ce n'est pas intéressant. Mais il reste que quand il avait le contact actif, là, je peux vous dire que ça dégageait solide. Alors, j'ai jamais recroisé un homme avec autant d'humanité dans le regard, premièrement. Le regard de cet homme-là était particulier. Ceci Ben, dit, je me. je sais que la mère à mon père, elle l'a confronté, il y a eu une grosse chicane. Mais elle et tout, c'est un phénomène, là. Mais elle, c'est pas comme Jésus, c'était comme le diable en personne. Fait que peut-être qu'elle avait ce qu'il faut pour y faire face. Mais il reste que. Je le sais que. Moi, je l'aimais pas, Bernard. Puis je me rappelle, même où j'avais l'intention de d'aller. Bernard, il était pas gentil, Bernard. Il était pas Ah fin non, comme. il a dit qu'il était possédé par des forces animaliennes, puis il l'a sacré dehors de son bureau. Puis elle se faisait son linge, là. Je dis pas que c'était de goût parfait, mais elle maintenant avait de quoi un motif léopard, puis il disait, c'est pour ça que vous vous habillez de même. Vous êtes possédé par des forces animaliennes, puis il l'avait viré de bord, puis elle était pas contente. Mais tu sais, je veux dire, c'était un autre phénomène, elle. Mais tu sais, Je on me rappelle dirait de que. l'expliquer, je l'ai vu faire avec d'autres personnes, dire à certaines personnes, non, tu ne t'assois pas à ma table, toi. Straight de même, là. Il n'y a pas de préparation à Vaseline avant, là. C'est bang! Et blanc dans le blanc. Moi, je n'ai pas eu ce contact-là avec lui comme ça. Je n'ai jamais été rejetée par lui d'aucune forme. Au contraire, plutôt validée. Donc, ça dépendait de. Il était un exemple de ça. Des fois, je donne comme exemple. Moi, il y a eu le mouvement Roche Sauvage. D'ailleurs, ce mouvement-là, aujourd'hui, ce que j'en comprends, c'était pour déspiritualiser beaucoup de croyances. Les gens avaient beaucoup de croyances. Bernard en était une croyance aussi. Puis, ça a planté solide, ça. Mais moi, un jour, je voulais y aller, je voulais mettre de l'argent là-dedans. Je suis allée voir Bernard. J'ai dit, Bernard, j'aimerais ça investir dans Roche Sauvage. Écoute la réponse. Il me regarde la face. Il dit, t'as pas d'affaire là-dedans. Bye. Mon ami Jacques, à l'époque, qui était pauvre comme Job, avait 4 000 piastres, l'a mis dedans, lui. Il l'a perdu. Donc, il était capable de lire ton plan de vie instantanément. T'as pas d'affaire là. C'était ça qu'il m'envoyait comme message. Donc, c'était karmique, cette expérience-là, pour certaines personnes, que moi, puis j'étais toute triste à l'époque avec mon ego, là. Oh, moi, Bernard, je suis pas assez intelligente pour être avec eux autres. Puis bon, tout ça, des petites choses dans la tête, là. Bon, Mais. par après, tu dois être content. Bon, oui, vu que ça n'a pas Oh oui, fonctionné. ben je m'en suis remis assez rapidement de tout cela, là, dans le sens que j'étais consciente de l'ego déjà, de la game de l'ego, puis des pensées, puis nanana. Mais c'est sûr que sur le coup, j'ai trouvé, je me suis. Puis surtout, j'avais une amie qui, elle, est allée à Roche Sauvage, puis peut-être. Moi, je voulais y aller avec. Pas question. J'étais barrée, tu sais. Il n'y a pas question. Eh bien. C'est la vie. Mais Bernard, en public versus privé, je pense que c'était très différent aussi. Là. Moi, j'ai connu la femme de Bernard Pierrette assez bien. Puis il y a des choses que je ne contrerais pas, là, puis que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il faisait non plus. Dont l'habillement, tu parles d'habillement, là? Oubliez pas que Bernard, c'est Bon. un lion sans dents lion. Bon, ben, tu sais, moi, j'ai jamais. Comment je pourrais dire ça? Je pourrais pas dire à une conjointe, ben, faut que tu t'habilles de telle façon, puis de telle façon. Puis, j'ai tout le temps été chanceux dans le sens que, ben, j'ai tout le temps eu des conjointes qui s'habillaient comme du monde. Que j'ai pas. Tu sais, je veux dire T'es que c'était chanceux. correct. Mais en même temps qu'ils se ressemblent, ça semble. Bon. Tu sais, je veux dire, une femme qui serait habillée d'une manière excentrique ou ben, comme tu l'avais déjà dit, là, tu sais, les piercings Bon, puis ben, les moi, anneaux dans le je veux nez. dire, je suis tellement rigide que d'une certaine façon, je passe pour un excentrique, là, de où Aujourd'hui. ce que je vis, là. Ouais, parce que je suis bien, bien rigide, là. J'aime pas la mode, puis j'aime juste ce qui est conventionnel, puis classique, tellement que c'est rendu que c'est plus conventionnel. Donc, non, tu sais, mais j'ai de la misère avec cet aspect-là, certains aspects qu'on m'a rapportés, mais comme je n'étais pas là, bon, je me fie pas Ben, je te le trop à confirme, ça. je te le confirme, Bertol, je le confirme là-dessus. Bernard avait une façon de vivre avec sa femme qui, moi, Pierrette, quand on parlait, des fois, elle me parlait de ça, puis je la regardais avec des yeux ronds de même, là, puis j'étais comme, voyons, j'avais 40 ans, elle en avait 60. Là. Pour moi, c'était comme un conflit de génération. Jamais j'aurais été capable de dépendre d'un homme financièrement, moi, personnellement. Mais Pierrette n'avait aucun problème avec ça. Mais moi, je n'étais pas capable. Donc, c'est pas de vivre la vie des autres. Je n'ai pas jugé leur vie, c'est ça que j'essaie de dire. C'est juste, ils vivaient leurs affaires, mais moi, j'ai toujours pris ce qui me convient. C'est ça aussi, être indépendant, autonome en termes de se servir de notre propre Ben, jugement, faire preuve de discernement, là, ouais. là. Bien, exercer notre propre jugement et discernement, puis moi, ben, ça me convenait pas, mais j'ai pas dit « Pierrette, t'es folle raide », j'ai juste dit « Ah, ouais! » Ah, moi, avec mon œuf, ça fasse naïve. « Ah, ouais! Pierrette, je suis surprise! » C'est ça que j'ai dit, c'est tout. C'est pas... Ouais, ben, tu sais, c'est comme, bon, la façon que je parle là, bon, c'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'il y avait des gros défauts, puis que je me serais chicané avec. Fait que j'aime autant pas l'avoir connu. Parce que j'ai Je suis pas l'impression. Bertol. Moi, je suis pas allée dans l'intimité de Bernard, puis ni Daniel Ménard en passant. Ménard me le reprochait souvent de me tenir loin. Il me disait, pourquoi tu viens pas plus près des groupes? Puis j'ai dit, parce que je suis plus moi-même quand je suis avec vous autres. Ça m'influence, j'aime pas ça. Puis j'ai dit, toi, ben, t'accélères en plus l'expérience. Fait que je me tape déjà en privé avec toi, ça me Mais suffit tu vois, longtemps. moi, au contraire, j'aurais probablement eu la curiosité de les rencontrer en privé. Pour ce qui est de Marc de la Salle, que j'ai interviewé pendant près de 9 ans, mais au fil des ans, je l'ai rencontré plusieurs reprises en privé pour voir, j'avais la curiosité de voir si son vécu était en congruence avec l'instruction supramentale qu'il véhiculait. Puis j'ai vu des choses, comme par exemple, chez lui, il laissait pas la porte barrée, il mettait de l'argent sur la table d'ordinateur, là, que, tu sais, ça peut être 10-20 piastres. Au cas où qu'un voleur passe, il voit l'argent, la porte est débarrée, puis lui disait que tout est marqué. Fait que je laisse la porte barrée ou débarrée, si j'ai été volé ou qu'il est arrivé quelque chose, ça va arriver pareil. Fait que là, lui vit ça d'une manière très... Comment dire, là, concrète, là. Tu sais, c'est pas juste des paroles dans une conférence. Non, non. Chez lui, quand que j'ai été à plusieurs reprises, la porte était toujours débarrée. Laissait de l'argent sur la table à côté de l'ordinateur chez lui. Je sais que ça a déjà créé des chocs par rapport à une de ses compagnes, puis je peux la comprendre, là. Tu sais, il vit de l'insécurité. Tu sais, tu vois quelqu'un qui laisse tout le temps la porte débarrée, à un moment donné, ça peut devenir anxiogène. J'en suis. Et je vis avec un gars qui barre toutes les portes. Mais pour vous dire qu'il vivait en congruence, de ce que j'ai vu, en tout cas de Marc de la Salle, sur près de 9 ans, ce que je peux dire, c'est que son vécu était en congruence avec la nature du propos qu'il tenait là, en public. Puis aussi, Oui, ben. vas-y, Bertha. Non, ben, je veux dire, comme Marc, là, Oui. je le sens, tu sais, je veux dire, dans le sens que, on le sent que c'est sincère. Dans le sens que. J'ai pas aucun doute là, que ce qui vivait d'une façon qui était. Ben, c'était un peu comme quand tu es venu me voir. Quand tu es venu me voir, des fois, j'ai l'impression il check, il vérifie. Mais les affaires étaient comme je te l'avais dit. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, là, je m'attendais pas là, que tu viendrais me voir un jour, là, loin comme c'est. Puis, Ben oui, non, ben pour les non, gens qui c'est nous sûr que je. écoutent, pour remettre l'information en contexte, en 2019 que j'étais venu chez lui, puis il y a 9 heures de route en voiture qui nous séparent. Donc, je me suis tapé le trajet et puis, c'est ça, j'ai été le visiter. Puis, en Donc, il vit dans le effet, bois. comment? Excuse-moi, je dis David. Coudonc, il vit dans le bois, Bertol. Oui, ben, je suis pas mal dans le nord, là, je suis pas mal loin. OK. En tout cas, moi, je suis plus au sud du Québec. Pour des gens qui nous écoutent de l'Europe ou ailleurs, ben, c'est différent. Fait que moi, mon été dure un peu plus longtemps que le tien. Oui, ça se compare même pas. C'est Non. vraiment, ça, c'est la taïga, là. C'est comme la Sibérie. Fait que bon. Mais, tu sais, je le voyais, j'ai dit, bon, ben, regarde ça. Mais c'est pour ça et tout que j'ai eu une parole, tu sais, que j'ai pas peur de parler, puis de. Sais, j'ai pas peur, là, de dire un paquet d'affaires comme ma conjointe actuellement. Elle, quand elle était venue me voir la première fois, elle avait dit à du monde où ce qu'elle allait, puis l'adresse, puis tout, au cas où ce qu'elle disparaîtrait. Rien que tu as donné un exemple, puis elle se demandait si je n'étais pas un franc-maçon, puis si je n'étais pas dans des sociétés occultes. Puis, rendu chez nous, puis je parlais avec, puis tout, elle disait, t'es un gars bien ordinaire. Je disais, oui. Je veux dire, puis non, je veux dire, dans le sens que, bon, ben, si t'es une certaine transparence, puis tout, j'ai pas à. sais, dans le fond, j'ai rien à prouver. Tout ce que j'ai dit puis qui est vérifiable, je pourrais le démontrer dans le sens que je sentais ça aussi avec Marc de la Salle, dans le sens que j'ai tout le temps senti que c'était sincère son affaire. C'est pour ça que je te dis, ça m'étonne pas, là. Puis c'est pareil, si on regarde Ménard. Ménard, lui tout, je suis content de ne pas l'avoir connu. Parce que je suis sûr qu'on se serait pogné, je suis sûr qu'on se serait chicané. Parce que ça a l'air d'un esti de caractère. Ouais, je le sais pas. C'est ça, ben, c'est dur à savoir. Quoi qu'il y avait une certaine intransigeance quand même, Daniel Ménard. Non. Il était. Du cas par cas, peut-être le monde qui. Oui, c'est ça, j'allais dire. Merci, Bertone. Non, Daniel, il était adapté selon la personne. Moi, j'ai été 20 ans en contact avec lui, il ne m'a jamais brusqué une seconde. Il disait tout le temps qu'il s'était mangé de la tarte avec moi, il avait du fun. Fait que ça dépend des... Mais j'ai vu, j'ai été témoin de temps où il a déjà dit à des gens des choses très, très dures. Mais ça, il attaquait l'astralité de l'individu pour lui permettre de le voir. Mais ça, des fois, ça prend un espèce de coup de laser, là. C'est des gros égos. Il y en a qui ont des hosties d'égo là-dedans. Là. Ça, Bernard, il disait tout le temps, ça prend des gros égos parce que ça prend des grosses énergies pour faire face à ça. Il a raison aussi. Là. Ça prend des... Mais moi, j'avais été travailler beaucoup. Moi, j'ai connu Kemp avant Ménard. Tu sais. Kemp, il avait fait un... Je trouve que j'avais fait un travail intéressant sur mon égo. Lui, le contrôle... Maître... Je ne sais pas si tu connais le programme Maître Contrôleur de Daniel Kemp. Il n'est pas très public, mais c'est un programme, il s'appelle Programme Maître Contrôleur. C'est le contrôle de l'ego par des pratiques de certains exercices, et dont l'aïkido. Et moi, j'ai fait 5 ans d'aïkido avec des vrais aïkido-cops. C'est là que j'ai appris à contrôler sérieusement l'ego. Je parle de le contrôle de l'ego dans l'expression de ce qu'on n'aime pas. Le contrôle de ça. Pas le contrôle de ça, non. Pas du tout. C'est quoi l'affaire Kemp, l'affaire le dôme? Ah ouais, le dôme, une reproduction de la table ronde. Ben le dôme, c'est énergétique. C'était comment ça s'appelait? Les chefs, le groupe des chefs. Ouais. Il était 12. Moi, je faisais pas. C'était autour de. Mais sais-tu quoi? Ils se mettaient autour d'une table? Puis... Oui, ils faisaient toute une réunion, mais on était toutes là. Mettons qu'il y avait 12 chefs avec Kemp, 11 avec lui, 12. Puis il y avait les nous autres, là, nous autres en arrière qui suivaient, ce que j'appelle les sous-chefs. Je ris parce que j'ai eu beaucoup de fun. Puis il y avait des rencontres là. Il y a eu des phénomènes énergétiques qui sont passés aussi. Là, lui, à un moment donné, il y a eu de la visite extraterrestre, clairement. Des choses qui sont passées, mais à travers l'esprit, pas à travers le... Ouais. Parce que j'avais écouté un enregistrement où le monde témoignait. Puis là, j'écoutais ça. Puis je me suis dit, on dirait qu'ils se sont mis en gang autour d'une table. Puis que là, il y a eu des phénomènes qui interprètent. Puis que dans le fond, ça me faisait penser les phénomènes spirit un peu. Ouais. Puis là, j'étais là. Je sais pas. Je regardais ça. Je suis d'accord. Ben moi, c'est pour ça que je suis partie. On était deux filles ensemble débarquées là. On a passé 2 ans, et après 2 ans, moi et Martine, je me rappelle, on était dans le bois en train d'expérimenter des affaires. J'ai dit, là, tabarnak, ça va faire. Je venais de me scraper une jambe dans le bois, là, parce qu'ils nous faisaient faire des exercices. On était idiots. En tout cas, c'était drôle. Mais on marchait dans le bois, les yeux fermés, tu sais, tâche tatuque avec la broche pour avoir le vital nécessaire pour détecter les objets à distance. Mais là, un moment donné, je m'étais fait mal. Puis là, j'ai pété ma coche. J'ai dit, ah, Martine, ça suffit, j'en ai ras le cul, je décrisse d'ici. T'es carré d'être un sous-chef du chef. Mais par rapport, à, c'est ça les chefs, il y avait des catégories, il y avait une hiérarchie, Daniel Kemp, là. C'est-à-dire une structure hiérarchisée comme certaines sociétés discrètes. Exact. Mais moi, je suis allé voir Kemp, puis j'ai dit, moi, c'est fini. Merci, bonne soirée. Il m'a dit, je te souhaite bonne route. Bye, merci, bye. That's it. Comme j'ai fait avec Ménard un moment donné, j'ai dit, moi, c'est fini, je te laisse là-dessus. Parce que dans une consultation, s'il m'avait fait venir dans un groupe, écoute ça, il m'appelle me faire venir d'un groupe. Parce que moi, j'ai la fonction de dévoiler ce que le monde cache, supposément. Bref, il dit, viens dans mon groupe, ça t'apporte, je veux que tu viennes. Je dis, OK, mais je dis, ça me tente pas. J'y vais. Mais là, il y a une nouvelle qui est là, qui se fait attaquer par la gang. Puis moi, je prends sa défense. Puis mener Ménard me dit, ta gueule! Yeah. Oui, comme ça. Ta gueule! Fait que je ferme ma gueule. Mais après, je l'ai rappelé le lendemain, puis j'ai dit, Daniel, moi, c'est terminé. Ça vient de s'arrêter là, parce que tu viens de me dire de fermer ma gueule, mais je te paye depuis 20 ans de me le faire ouvrir. Fait que je pense pas que tu vas me la fermer demain matin. Alors, il me répond, la réponse, écoutez comment c'est intelligent. Il dit, moi, je m'assois, puis toi, tu te lèves. Bonne route, mon homme. Il est mort 18 mois plus tard. C'est tout. C'est beau comme histoire, non? Ouais. Mais la dynamique, c'est parce que ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je sais pas ce que je veux dire, j'ai perdu le fil. Continuez. Non, ben, cette espèce de. C'est pour ça, moi, que je reste loin, tu sais, de tout. Parce que Oui, c'est il y a comme moins d'écoute. l'affaire, comme aller dans le bois pour détecter des objets à distance. J'en veux pas, moi, de plus de capacité, là. J'étais jeune, que je dis. J'étais jeune, que je dis. Mais je ne savais pas quoi faire, Bertol, avec ce que je sentais versus. Moi, je viens. Le mot astral, là, j'ai 25 ans, je ne sais même pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Bernard parlait, je ne comprenais rien. Kem parlait, je ne comprenais rien, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et je cherchais, c'est ça, j'étais comme dans une quête de vibration. Moi, je parle de mon nez. Non. Puis, ce que j'aimais pas de Kem, entre autres, c'est les devoirs. Il fallait toujours faire quelque chose, s'améliorer. À un moment donné, j'ai comme compris. Hein, bullshit, j'ai pas à m'améliorer. Durant l'année 2022, le roi Charles III succède à la reine Élisabeth II, qui est décédée au mois de septembre. Donc, ça a été un événement quand même important là, au niveau de l'actualité en lien que la royauté, qui a quand même de l'impact à l'international. Et par la suite de tout ça, j'ai l'impression qu'il y a eu comme un éveil des gens sur la royauté, dans le sens que quand est venu le temps de la sermentation des députés à l'Assemblée nationale ici au Québec, là, comme ils se sont rendus compte que là, il faut qu'ils donnent serment au roi, là, il y en a qui se sont opposés, entre autres du Parti québécois, Québec solidaire, et finalement, leur manœuvre a marché, dans le sens que là, à partir du mois de décembre, les gens sont plus besoin là, de prêter allégeance au roi ou à la reine d'Angleterre. Donc, par rapport à cette situation, comment trouvez-vous ça? Mona. Le canal BID. Moi, la seule chose que j'entends, c'est que de toute façon, le Québec, c'est une incorporation. Vu qu'on signe le roi, on signe pas la reine, on se torche avec ou pas, ça change rien. Ben c'est ça, c'est un peu comme si on avait changé le nom des menottes. Ouais, c'est ça. C'est juste symbolique, dans le fond, on va être tout aussi esclaves, Mais en même pareil. temps, moi, je vois de tout ça quand même un recul de l'importance de la monarchie sur nos vies, dans le sens que si là, les gens qui sont élus ils ont plus besoin de prêter allégeance à la monarchie, bon, mais à ce moment-là, ça confirme qu'ils ont moins de pouvoir sur nos vies. Peut-être c'est plus sournois puis plus insidieux. C'est moins officiel, peut-être. De toute façon, les vrais rois, c'est des banquiers internationaux puis des structures. Donc, ça, c'est juste changer le nom de la cage. Donc, un roi. Je C'est. blague, mais ça ressemble à ça. Mais de toute façon, le roi Charles, Est-ce c'est qu'il vous des. inspire confiance? Parce que là, on va l'avoir sans doute pour un bout de temps, là, habituellement. Non, je pense pas que ça va durer longtemps, moi, lui. C'est drôle, excuse-moi, je vais reculer, je pense que je coupe le. Je sais pas, moi, j'ai pas l'impression qu'il va avoir une vie très longue, c'est mon avis. On verra. Ben, je sais pas. Fait ça, ben, franchement, je le sais En tout pas. cas, Élisabeth II a vécu longtemps. Oui. Elle est peut-être morte depuis longtemps, parce que c'est beau. Bon, là, il y a plein de théories qui circulent, même que ça serait une extraterrestre reptilienne avec les Non, mais on ne pupilles. sait pas. Ouais. Il demande tellement, David, du rendu, je vais dire comme Berthold. Moi, je ne crois plus personne. Encore moins sur des humains. Là. Puis, franchement, elle est peut-être morte il y a 4 ans. Ben, ils viennent de l'enterrer. Je ne le sais pas. Ils font bien rouler le bidon. Il y a plus de tête aussi. Psychiquement, ce gars-là n'est plus là. Ça m'a pas pris 4 ans pour le comprendre. Rien qu'à le regarder marcher, je lui ai dit, il souffre de maladie mentale, clairement, ce gars-là de démence. Puis il Ah est encore oui. là à faire des marionnettes avec. Parce que quand ils se promènent, c'est comme les personnes âgées la nuit qui font de l'errance, là. C'est cette démarche-là qu'ils ont. Exact. Puis lui, c'est en plein jour. En plein jour, lui, là, c'est ça. Exact. Parce que d'habitude, c'est la nuit que ça le pogne, ça. Puis moi je vois de l'activité astrale là-dedans, là. Maison. Mais lui, c'est en plein jour, là. Donc, c'est rendu assez grave. Mais le roi Charles, le Oui, qu'est-ce problème est que. Ouais, ben, lui, c'est comme. Tu sais, je le pense pas sénile, mais je le pense pas là, tout là non plus. Puis, ben, c'est bonne valeur, mais c'est parce que ce monsieur-là, il est tellement un petit peu dans. Tu sais, c'en est un eugéniste, là, tant qu'à moi. Puis, tu sais, on le sait, la mentalité un peu. Puis, c'est une sorte de nouvel âge aussi, là. Je veux dire, il est dans le nouvel âge, ce monsieur-là. Ben, je l'appelle ce monsieur-là, ce bonhomme-là. C'est poli. Ouais. T'es Là, bien il est dit. rendu, comme je disais aujourd'hui d'une vidéo, des fois j'en fais trop, puis bon. Mais il est rendu à la tête de l'Église anglicane. Fait que c'est le pape des Anglicans, dans le fond. Fait que là, on a carrément une espèce d'ésotériste nouvel âge qui est rendu. Puis ça fait longtemps, lui, qu'il est pas dans la réalité, là. Juste le mode de vie qu'il a, puis quand il est à son pavillon de chasse, là, la façon qu'ils font ses œufs mollets, là. Ils les font puis ils les jettent à mesure parce que la minute qui va arriver, faut qu'ils soient à la bonne température puis tout, puis ils peuvent passer 4 heures de même à cuire puis jeter des œufs. C'est ridicule, je veux dire, c'est du monde ridicule. Donc, il est maniéré, il est probablement ancré dans un protocole rigide. Donc, selon toi, ce changement au C'est ça, niveau. David. Ces gens-là, tu vois, je reçois l'info. On parle de hunting human. Ah, si. Le trip, là, c'est de tirer du monde, pas le chevreuil. Ouais, ben j'avais vu ça, il y avait un gars tout nu qui s'était échappé du palais de Buckingham. Puis il était tombé, puis il est mort, puis les touristes filmaient ça en riant. Puis d'habitude, les journaux anglais, toutes ces affaires-là, ils aiment ça, hein? Puis ils en parlent pas. Ben, il y a Ah ouais? beaucoup de rumeurs qui circulent sur eux autres. Il y en a qui vont dire que ça donne à du pédosatanisme. Mais là, il faut que ça soit démontré aussi, là, parce que tu sais, tu peux noircir le tableau longtemps pour s'en prendre à la Ben, c'est un ami de réputation. Jimmy Savile. Jimmy Savile, moi, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, que c'était su. Il a fallu qu'il meure pour que ça sorte. C'était tout vrai. Il faut dire, j'étais un C'est violeur de sûr cadavres. et réel que c'est des réseaux pédophiles, David. Je suis désolée. Moi, je pense que ça va être dévoilé en 2023. Trump l'a dit que la première chose qu'il s'occuperait, ce serait de démanteler le réseau de pédophilie international. Et je suis sûre qu'il va le faire. Je suis qu'en Il tout cas, faut il trouve dire que des charniers. l'Ukraine pour rien. Entre autres, l'Ukraine fournit des enfants en quantité. Hein? Ah, ça, c'est connu, puis c'est su. Toutes les pires trafics, ben, c'est pour ça que je disais c'est la ruelle de l'Europe, un peu, là. Puis, je veux C'est dire. su partout de Bertol, mais c'est pas su par le grand public. Puis ce que je dis, moi, c'est quand ça sort, là. 2023-24, là, ces gens-là vont sortir par scandale comme ça, ou ils vont être arrêtés ou tués, je sais pas, pendus par Parce les que là, ils juges. trouvent des charniers en Angleterre, je veux dire. Il y a enquête, mais pas tant que ça, puis c'est officiel. Puis même des terrains au Canada là, qui appartiennent aux frères Reichmann, c'est des charniers, là. Il y a plein de corps. Et Fait que ça, c'est là, une secte qui chasse l'homme. ben c'est pour ça, dans le fond, Il est dégénéré solide. ben c'est ça. Puis ça coïncide avec leur l'espèce de mentalité, comme je disais, là, eugéniste, puis. Exact. C'est pour ça que moi, à mes yeux, je veux dire, j'ai tout le temps considéré l'Angleterre comme un des berceaux du nazisme. Si on regarde Oswald Mosley puis ces gens-là, ça avait des liens avec la famille royale, puis l'oncle de la reine Élisabeth. Je veux dire, moi, à mes yeux, c'est des nazis. Tu sais, je vois pas, c'est un terme un peu générique, là, parce que c'est pas spécifiquement ça. Mais c'est cette mentalité-là, pareil. Facho, genre fasciste, nazi, pas mal. Ouais. Moi, ouais, c'est juste Eugénie, pour ça, moi. l'eugénisme, c'est le bon mot. C'est des élitistes qui pensent qu'eux autres, Ben, à l'origine, la notion de la royauté, c'était des gens qui se croyaient légitimés en fonction de Dieu, qui étaient nommés par Dieu, là. Ben, j'ai raison de plus pour tout considérer qu'ils n'ont pas d'allure. Exact. Parce que là, c'est à se demander c'est quoi qu'ils servent, dans le fond, parce que. Je veux dire, tu sais, je veux Qu'est-ce qu'ils dire, font c'est. d'autre à part faire de la merde, tu Ben oui, tu sais. Il me semble, quand tu es un roi, puis tu sais que ton devoir, c'est le bonheur de tes peuples, puis que un jour ou l'autre, d'une certaine façon, maintenant, un jour ou l'autre, ils meurent, pareil, là, que ce soit des bébites ou pas. Ben, je sais pas, là, moi, je n'aurais pas la conscience tranquille. C'est comme du monde, dans le fond, il n'y a pas de conscience. Ils voient les autres comme des animaux parce qu'ils en sont. C'est ça, exactement. Mais on pourrait être rétorqué en disant, mais ils ont des fondations caritatives pour faire le bien dans le monde, là, ils prônent l'écologie, puis le respect de l'environnement, puis... Ben, les fondations, on sait à quoi ça sert, là. Ouais, c'est ça. La fondation Pet Trudeau qui a augmenté, tu sais, ça va sortir, mais je fais un aparté, là, mais tu sais, Trudeau, 75 millions d'euros en 2020-2021 de fortune personnelle, là, qui est venu, je sais pas qui. Oh, il est passé de 10 millions à 350 millions de fortune personnelle. Ah, ben, tu sais, donc, toi, il y Ben, a un peu c'est un de... peu. Excuse-moi, Ben, je. c'est ça. Je fais juste, je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où Trudeau, Justin, avait été arrêté pour trafic d'armes. Ah, ben, ça, le problème, c'est parce que ça a été. Le problème, c'est que ça a été. Il y a un gars qui a fait un Cagnotte. travail. Il y a un gars qui a fait un travail d'étudiant, puis il a fait un montage pour montrer comment est-ce qu'on peut servir des images des médias pour manipuler, puis blablabla, là. Mais si la justice est publique au Canada, il n'y a pas eu de condamnant. C'est ce qu'on pourrait Il a appeler été des fake condamné. news. Il était condamné à 2 ans ou 3 ans, mais il n'a pas plus que 8 mois, je crois. C'est une vidéo Parce qui qu'il a fait. circule sur Internet, mais il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien dans les faits, Non, là. mais il était là pareil. Nous, on le sait. Moi, j'étais à Montréal dans ce temps-là, en passant Bertol. Ouais. Et j'étais Parce que. consciente de ça à l'époque. Puis, il y a un enfant qui a été tué dans une chicane Ouais, de gang. c'était les Rock Machine puis les Hells Angels. Ouais, genre. Mais la vidéo, là, ça, mettons, là, tu retrouves l'original, là. Le gars, il le dit dans la description. Qu'est-ce C'est qu'il un dit? travail d'étudiant qui est fait, là. Bon, c'est un vidéo. C'est un montage, là, dans le fond, qui est fait, un travail d'étudiant qui est fait sur les médias, là, étudiant, je sais pas quoi. Parce que si on cherche la jurisprudence, puis tout est Existe. public, la justice au Canada. Non, non, je suis d'accord avec toi qu'il a été blanchi, pas blanchi, pardonné parce qu'il a fait sa petite crise de larmes. Là. Oh, je suis désolée, j'ai pas été gentille. Mais j'ai été témoin de ça, c'est ça. Je veux dire, je comprends le montage que tu expliques, là, mais moi, j'étais très lucide à l'époque et je me souviens de cette époque-là de Trudeau. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a des affaires pires que ça à se reprocher. Oui. Puis là, si on parle de ça, là, ils ressortent ça puis ils disent fake news, complotisme, vous croyez n'importe quoi. C'est un peu comme un contre-feu, cette histoire-là. Tant Mais il n'y qu'à a pas moi, blanc là. de neige. Parce que pourquoi Ben je non. dis il y a un policier qui avait déclaré qui a fait enquête sur lui, puis il disait tout le temps, il a dit, si les gens vont en politique, c'est pour augmenter leur fortune. C'est ça, je voulais Ouais, dire. mais ça, c'est En dans le cas. général, c'est comme oui, mais c'est Alors, comme c'est sûr, au nous, Québec, il y a les gangs de rue, après, il y a les motards, il y a la mafia italienne, puis là, et après, en haut, il y a les politiciens. C'est vraiment fait de même, c'est du crime organisé jusqu'en haut. juste ouais. Ouais, la Mais mafia politique, puis toi, la mafia médicale que parlait Glenn Langto aussi. ouais, solide au c'est Québec, la mafia spécial. médicale. Non, Ouais, c'est ben, ça. tu guises la ville, moi non plus, je vais être comme Bertha, j'ai de l'urticaire un petit peu. Je fais de l'urticaire. Moi, quelqu'un qui se dit libre puis qui n'est pas capable de voyager puis qui n'existe pas, là, je trouve pas que c'est libre. Mais bon, ce Ben, sont. t'sais, je pense que. Comment je pourrais dire ça? Moi, je pense que finalement, ça va avoir nuit plus qu'autre chose, Madame Langteau. Parce que là, ça vient discréditer un paquet d'affaires, t'sais, qui seraient intéressantes comme médecine alternative. Mais là, l'affaire avec les chamanesses, là, puis je me souviens de qui je suis, puis les diesses, là, ça nuise, là. Parce que. La plupart du monde, ils regardent ça puis ils se disent, ça n'a pas de bon sens, c'est une secte de fous. Fait que, au niveau de l'image, pas là, c'est aussi bien de rester. Mais je me rappelle dans le temps, quand elle avait fait son livre, ma grand-mère, elle l'avait acheté, puis je l'avais lu, c'était dans la salle de bain. Ça a l'air qu'elle lisait ça sur la boule. Puis, T'as un rapport avec les varices. je l'avais. Oui, c'était un spécialiste. Excusez. Puis finalement, tu sais, un livre de même, tu publies ça sous un pseudonyme, là. Je veux Non. dire, Mais il y en a parce qui ont que dit justement, c'est le fait qu'elle a publié ça en tant que médecin qui a donné la crédibilité par la suite à son livre. c'est pas nécessaire parce que tu demandes à ton éditeur d'avoir un notaire qui vient faire, qui lui, il fait un papier comme quoi qui confirme que c'est un médecin qui l'a écrit. Tu as juste besoin de ça pour publier sous un pseudonyme si tu es médecin, puis que l'éditeur, légalement, il dit que c'est un médecin qui écrit ça. Tu as juste besoin d'un notaire qui confirme que c'est un médecin, puis tout, lui, il check l'état civil, il check tout, puis il va notarier le fait qu'il a constaté que oui, c'est un médecin. Mais tu n'as pas Elle s'est besoin de fait mettre. charrier, c'est ça ton point de vue? Elle s'est fait charrier par quelque chose. Ben là, c'est parce qu'elle a détruit sa carrière pour rien. C'est ça, moi, Pourquoi? que je comprends pas, c'est se mettre dans la merde, puis se mettre dans la misère, puis c'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Suis Parce que là, d'accord. vivre d'une maison qui est pas à ton nom, gérée par une fiducie, puis ben, à un moment donné, l'affaire des citoyens souverains, c'est bien beau sur le papier, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça marche plus. Puis bon, j'en connais du monde qui sont dans le domaine de la justice, puis j'en ai vu du monde aller en cour puis être dans la merde sérieusement. Puis ça finit qu'ils sont considérés comme quémandeurs quérulents ou je sais pas trop. Puis finalement, tu dis « je suis libre », mais t'as plus aucun droit dans le fond. C'est ça que je parle. Pour ça, je dis, c'est pas être libre. Parce que moi, j'ai une amie qui tripait sur elle, puis elle m'en parlait, puis à un moment donné, j'ai écouté un peu, puis j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi tu tripes si fort sur cette personne. En quoi est-elle libre? Ben, c'est Elle ça le peut pas contrôler paradoxe, sa c'est vie, elle qu'au peut nom pas de la faire liberté de la confiance. société, elle s'auto-marginalise. Ben, c'est ça, mais c'est ce que Bertolt dit. Moi, je pense pas que. En tout cas, je vois pas en quoi. C'est un chemin très souffrant, en tout cas, ça, c'est clair. Pour ça, je dis qu'elle s'est fait charrier par l'astral. Parce que je suis d'accord avec Bertolt. Moi, là, quand, un exemple, des fois, j'ai des gens qui viennent à moi en consultation, puis ils veulent changer de carrière, puis ils ont 50 ans. Hey, t'as-tu fini de te faire niaiser, là? C'est parce que tu peux pas t'être trompé 40 ans ou 30 ans, là. C'est pas à ce point-là. C'est ça, Mais à c'est un moment un donné, ça se esti peut de que la choc. personne n'ait plus la vibration, comme Marc de la Salle à 49 ans. Il travaillait comme enseignant. Tu sais, il y avait un poste permanent. Souvent, ça prend plusieurs années avant d'obtenir ça. Il dit, je lâche tout ça. Alors que s'il aurait lâché à 50 ans, il aurait eu de la commission scolaire, une pension à vie. Mais il a lâché une année avant. Ce qui l'a mis dans une situation de précarité parce qu'il me dit, j'ai plus la vibration par rapport à ça. Puis de ce que je comprenais de son mouvement, il dit, c'est pas vrai que je vais aller par insécurité psychologique pour comme garder l'avantage de la pension en faisant du temps comme un prisonnier. Donc, il a été de l'avant avec son mouvement. Finalement, naturellement, les conférences, les livres, ça s'est pas vendu dans les mois qui ont suivi. Ce qui a fait Il s'est en fait sorte que. contrôler, il s'est fait niaiser. Ben oui, il s'recule devant rien pour nous mettre Confirme dans la ce que je merde. dis. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je te dis, je me méfie. Parce que des fois, ça me sort des affaires. Oh, tu devrais faire ça, puis là, ça va. Tu vas avoir du succès dans telle affaire, puis tout. Puis je le sais que c'est pas vrai. Je vais me mettre dans la merde si je fais ce que ça me dit. Fait que je le fais pas. Non, non, Mais il exact. reste que. Faut être sceptique là, par Ben, rapport tu à sais, t'es à ça. quelques années de ta retraite. À un an de sa Oui! retraite, Voyons! bon, c'est un manque de contenance au niveau de l'ego, point la ligne. Je le connais pas, Marc de la Salle, je l'ai pas connu, là, Mais moi, mais. je l'ai comme confronté, puis moi, tu sais, je vois que des gants blancs, j'étais assez diplomatique avec lui en disant, ben regarde, si tu vois que le nombre de personnes qui vont à tes conférences augmente pas, les ventes de livres augmentent pas dans les mois qui précèdent, t'as aucun signal qui te dit que tu vas être capable d'en vivre, puis il va de l'avant avec ça, avec une certaine intransigeance vibratoire en disant, toi, tu cherches des garanties, t'es insécure, moi, Chris, c'est comme je suis au-dessus de ça, puis ma compagne était là au restaurant, puis il a dit devant nous autres, quand on a eu cette conversation-là, les plans ne laisseront jamais tomber un étalon comme moi. Dans le sens, j'ai beaucoup de potentiel, puis moi, ça m'avait marqué. J'ai dit, Chris, il est en train de se faire manipuler, là. C'est de Ben, l'orgueil c'est ce que je spirituel, pense. ça. Désolée de te le dire, ma David, mais ça, c'est de l'orgueil en hostie. Un hostie de mission, pas de mission dans la vie. Ben, c'est C'est un un peu peu comme. comme C'est comme lui, ce qu'il me disait, un c'est que les étalon. plans, un étalon dans le sens qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est vrai qu'il parle en anglais, là, tu sais. Je veux dire, il a fait des études universitaires, il a un bac en enseignement, parfaitement bilingue de ce que j'ai vu au niveau de l'anglais. Fait qu'il aurait pu, c'est sûr, faire une carrière au niveau francophone puis anglophone. Ben oui, mais tu sais, c'est un peu comme le monsieur que tu as connu qui a mis pas mal d'argent pour publier un livre. Ouais. Puis finalement, bon, ben, c'est pour ça que je te dis, ça va reculer devant rien pour nous mettre dans la marde. Le but, là, c'est de qu'on intègre de force. C'est Puis ça. c'est sournois. C'est sournois. C'est pour ça que je crée rien. Puis tout ce qui pourrait m'enthousiasmer, je me méfie tout de suite. C'est pour ça qu'à un moment donné, là, ça me disait, là, ah, ben, tu vas finir par faire des conférences, puis blablabla. Puis finalement, je regardais ça, puis je disais, ouais, mais je veux pas cette vie-là. Tu sais, je veux pas, moi, remplir des salles. Ça va prendre des gardes du corps avec les affaires que je dis, puis je vais être dans la marde, ça me tente pas. Fait que c'est un peu comme il y a une carotte puis un bâton. Fait que je me méfie bien gros. On est porté à se donner de l'importance, puis Exact. justement, ça veut nous forcer à enlever de l'importance. Fait que là, des fois, bon, ben, on dirait qu'on finit tout par avoir une affaire. On finit tout par se faire pogner à un moment donné par quelque chose. Puis, bon, finalement, c'est pour ça que j'ai jamais pris ça au sérieux, hein, ce que je fais. Ils nous testent tout le temps, mais tu l'as dit tantôt, Père Paul, c'est des tests continuels sur la contenance. Puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que je me souviens d'une colère que j'ai faite un moment donné, puis j'ai dit, toi, mon hostie en haut, là, j'ai dit, tu t'arranges avec ma survie, puis arrange-toi pour que je manque de rien. Parce que si que je m'en colissais de la petite conscience. Tu sais? C'est bien beau de la conscience, puis le développement de la conscience, puis le développement de ci, puis de ça. Mais on vit ici, sur la Terre. Moi, j'ai un côté très terre-à-terre, mon côté peut-être cancer, ascendant cancer, là, mais excuse-moi, là, mais c'est ma vie. Fait que si tu veux que je m'occupe de ça, là, arrange-toi pour qu'ici, j'ai manque de rien. Et j'ai manqué de rien. Fait que je peux m'occuper d'eux autres, de ce qu'ils me disent ou d'essayer de développer des choses. Mais en aucun cas, si ma survie est en enjeu, je vais continuer avec ça, oublier ça. Jamais. Je sais pas, comme Marc de la Salle, c'est comme s'il a cru. Oui, c'est Ben, ça. c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est fait prendre dans son investissement aussi, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'il écrivait des livres, des conférences. Et puis, à quelque part, moi, c'est sûr que, dans le fond, avec le recul, puis ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est décédé, ça me fait encore de la peine, parce que je l'ai connu pendant 9 ans, ce qui est arrivé de lui, mais il était confronté à une impasse. Dans le sens que s'il n'y aurait pas eu son accident de vélo, comment dire, il se ramassait dans une situation où il aurait continué à s'endetter, puis il se dirigeait vers une faillite personnelle, j'ai l'impression, là. Ouais, mais c'est mieux de faire une faillite puis rester vivant pareil, autant qu'à moi. Moi, j'aimerais mieux être dans la rue à demander, t'as-tu du change, man? Puis, ben, tu sais, que de mourir, là. Tu sais, au moins, je continue à avoir de l'expérience, je continue à intégrer, je continue à avoir des affaires, je continue à. Puis après, quand t'es mort, ben là, c'est comme si on a une conscience, c'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre. Moi, je Peux-tu dire considère. quelque chose de cet homme-là que j'ai perçu? Moi, je l'ai trouvé très rigide, David. Ah, je confirme qu'il Personnellement, je ne le l'était. connais pas, mais ce que j'ai entendu de lui sur quelques conférences écoutées grâce à toi, parce que c'est toi qui m'en as parlé, puis Marie-Chantal Saint-Maurice m'en avait parlé aussi. Bonjour Marie-Chantal. Moi, ce que j'entendais quand je l'écoutais, c'est beaucoup d'orgueil dans les dernières choses qu'il a fait, sauf celui où ce qu'il a parlé de la femme, puis s'est mis à brailler. Hein. Là, j'ai trouvé qu'il y avait de l'allure. Mais je trouvais qu'il était très orgueilleux et Ben, il rigide. était intransigeant. Des Ben fois, oui, mais intelligent et rigide, ça ressemble. en fait, il y a des gens qui vont dire la même chose de Bernard de Montréal. Oui, mais il y avait de l'ego aussi. Puis, tu sais, ce que je veux dire, c'est que tout le monde pense que Bernard est parfait. Bernard n'était pas parfait. Même s'il est un être fusionné, puis qu'on n'a pas vu ça encore dans nos vies ou à peu près de genre de fusion, il y avait quand même de l'ego. Puis c'est ça que j'aime de Bertolt, c'est qu'il se méfie tout le temps de son ego et de ses mémoires. C'est merveilleux parce que c'est ça qu'il faut développer, se méfier. Peu importe qu'est-ce qui nous passe par le canal, il faut que ça fasse notre affaire. Soit astral ou pas, là. Moi, je me demande pas si c'est une information astrale. Je me demande, Non, ça fait-tu mon. mais comme Bernard de Montréal disait, il ne faut pas croire, puis en même temps, ben, ça évite de se piéger dans un rôle de missionnaire spirituel ou même supramental pour véhiculer Tout à fait. l'instruction. Tout à fait. J'ai eu la possibilité d'être entraîneur privé de Céline Dion. Ah, J'ai ouais. une. Puis ça se présentait à moi. Puis j'ai arrêté les démarches. Il avait une raison. C'était dangereux. Parce que moi, ça essayait de me faire croire que j'avais. C'est vrai que j'ai découvert une technique très particulière. Ce que j'enseigne, ça n'a rien à voir avec ce que le monde connaît du yoga Pilates, machin. C'est autre chose. C'est une vision de mon esprit qui est désincarnée. Mais Céline Dion, cette démarche-là, moi, je l'avais calée. Je voulais. Mais ça, c'est mon ego d'orgueilleuse qui s'est pointé. Je l'ai vu juste à la dernière minute. Je dis, ah, sinon, surtout pas ça. Tant mieux. C'est ça de. Comment dirais-je? Je pense que plus on est low profile, plus on est invisible, mieux c'est. Voilà ce que je pense. Ben, j'abonde dans ton sens, Mona. Il y a quelques années, je voulais avoir un peu plus de visibilité, puis aujourd'hui, finalement, je réalise tous les bénéfices d'être plutôt anonyme sur le web ou un public très restreint. Parce qu'il y a, y a une facture à payer, puis les gens qui s'exposent, tu sais, si on regarde Obama aux États-Unis, il a blanchi rapidement quand il a été mis au pouvoir. Au Québec, on a Gabriel Nadeau, qui est, il est plus jeune que Bertol et moi, puis il est cheveux blancs. Il y a une dimension du pouvoir qui use, parce que la personne est confrontée Tu à dis le plein de mot monde qui sont pouvoir. désajustés. Comment? Tu le dis, c'est le mot pouvoir. Le pouvoir que ça donne, c'est pas de la puissance. Il y a une grosse différence entre pouvoir et puissance. Et quand on commence à, puis je pense à Marc de la Salle, là, quand on a de l'info, quand on a le contact qui se met en action, on se sent très puissant. Mais c'est ça le danger, d'utiliser ça pour en faire du pouvoir. Oubliez ça, c'est une règle, ça, du monde supramental. Il y a pas de pouvoir que tu peux faire avec l'énergie que tu acquiers en termes de puissance. C'est terminé, ça, le trip du pouvoir. Jamais ils vont permettre à un individu conscient d'avoir du pouvoir et d'appliquer du pouvoir sur les autres. Jamais. C'est comme le fait que je suis d'une petite ville, C'est ça. puis que je parle sur Internet, puis tout. T'sais, si moi, vraiment être en puissance, là, entre autres, c'est que j'ai fini par pas donner d'importance à ce qu'on pouvait penser de moi. C'est ça. Sinon, j'aurais jamais parlé. Puis là, en plus, je suis d'un milieu où tout le monde me connaît. Je veux dire, c'est une petite ville, puis. Puis il reste que, bon, si je me souciais de ce que le monde pense de moi, ou même ce que je pense de moi, je pourrais jamais parler, je pourrais jamais rien faire. Exact. Mais là, ça, c'est de la puissance en tant que ce que j'ai sur moi. Mais c'est pas de la puissance comme d'autres ont. Mais je pensais à ça, si Céline Dion, si tu l'avais entraînée, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait moins stiff. Je le répète. Oui, parce qu'on a entendu parler qu'elle aurait un diagnostic, qu'elle aurait un désordre neurologique, qu'elle aurait un trouble stiff. C'est comme une espèce de personnalité rigide, de ce que je comprenais. C'est elle qui risque son corps, là. Ben, moi, je pense que ça a aussi un lien avec Supervax, là, mais Moi, possiblement, mais l'affaire, c'est. un des syndromes que ça peut développer, c'est ce cas-là. Mais je sais pas, ce qu'elle vit, ça doit être extrêmement souffrant, oui. Mais il faut dire aussi qu'elle, moi je vois ça comme un surinvestissement pendant plusieurs années dans sa carrière de chanteuse, là, tu sais, sa vie était centrée là-dessus. Fait que là, à ce moment-là, elle ne peut plus chanter à cause de problèmes de santé. Fait que moi, j'ai l'impression qu'elle avait une espèce de rééquilibrage dans sa vie où elle a redéfini ses priorités, puis peut-être relativisé l'omnipuissance qu'elle avait sur le plan musical et sa popularité, parce qu'elle est peut-être su développer dans d'autres sphères de vie qu'elle a à présent intérêt à d'investir. J'ai l'impression qu'elle est très mal entourée, cette femme-là. Qu'il y a des influences morbides autour. Puis que c'est son système nerveux qui est en train de prendre la claque. Ben C'est moi, je pense vraiment ça. franchement, elle meurt. Pour moi, cette femme-là, je l'ai dit, David, sur un de tes lives, que cette femme-là mourrait dans les 2 prochaines années. Ah, c'est très possible. Moi, j'ai Pas possible. l'impression qu'elle a été usée à corde. Écoutez, donner des spectacles au Caesar Palace pendant des années, on construit un amphithéâtre pour elle. Tu sais, c'était spécifiquement pour elle. C'était pas des artistes variés, là. C'est vraiment elle. Tu donnes des shows soir après soir. Pour moi, elle a été à quelque part extrêmement exploitée pendant une longue période de temps. Fait que ça crée une usure. Tu sais, au niveau énergétique, quand j'ai appris qu'elle était très malade il y a quelques jours, je n'étais pas surpris de ça compte tenu des antécédents que je connaissais là, par rapport à elle. Ben, ça me faisait penser, il y avait la chanteuse Marie Dubas. À un moment donné, elle s'est mise à faire du Parkinson. Mais cette femme-là, elle s'était tellement donnée pour faire des spectacles, puis elle gérait sa carrière elle-même, puis elle n'avait jamais un homme qui a dit quoi faire, puis c'était dans une époque que ça n'existait pas, là. Puis elle disait, elle dit, c'est la vie que j'ai menée qui a atteint mon système nerveux, qui fait que finalement, aujourd'hui, je peux plus travailler. Elle avait le Parkinson, puis elle pensait que c'était... J'ai l'impression, comme tu dis, toute l'énergie qu'il y avait autour d'elle, c'est son système nerveux qui a absorbé. Puis à un moment donné, il y a des limites, là, pareil. Puis là, elle ressemble de plus en moins, me fait penser, elle ressemble plus à son père, à Desmarres, qu'à sa mère. À Ah quelque chose de... oui. Tu sais, c'est comme... Puis je sens aussi, j'ai l'impression qu'elle est mal entourée. Elle s'est fait vampiriser toute sa vie par sa famille, oubliez-les pas, hein. Cette femme-là a fait tellement d'argent, elle a mis toute sa famille au monde, les 12 là, qu'elle parle. Tu sais, c'est le système nerveux, j'abonde dans ton sens. C'est se faire vampiriser, c'est des vampires qui ont les a mis à l'aise financièrement pour probablement se débarrasser d'eux autres quelque part. C'est des vampires d'énergie, ces gens-là. Ben, à un moment donné, la chicane était prise, puis elle nous a donné chacun un montant, là. Mais là, il y a aussi le fait qu'elle a servi probablement du monde qui. Bon, je sais pas, là. Tu sais, elle s'est mise à faire des affaires bizarres, là, De la collection vendre. de De sa vêtements, là. collection des Ouais. enfants, là. Ben oui, mais c'est clair qu'il y a eu quelque chose, Bertha, je suis d'accord avec Ah toi. oui, Et attends, il y a du monde malsain autour qui se elle sont glissait servis sur de d'elle. l'argent, oui. Puis je pense qu'elle s'en est rendue compte, Ouais, ben c'est là. Ça ne peut-être veut là rien le choc, les dire. Ça chocs. peut rien dire. Mais dans le fond, ça va. C'est drôle, hein, moi, elle me fait l'effet de. C'est. Dans le fond, elle a réussi. Elle a réussi. Mais on sent la même. On sent la même affaire que quelqu'un qui n'aurait pas réussi. Comme si c'était une enfant qui avait été violée quand elle était petite, puis qui était pognée dans des PJ, puis qui avait été dans la rue, puis ça aboutit au même résultat, là, finalement. Ben c'est le paradoxe, la réussite financière qui n'est pas nécessairement une réussite nécessairement d'épanouissement individuel, là. Ben, moi, je la sens pas épanouie du tout. Moi non Au plus, contraire. là. On dirait, on sent Marc de la Salle rigide, c'est rien comparé à elle. Non, Ah. là, ça se compare pas, je suis d'accord. Je parlais pas de ce. En tout cas, c'était pas Ouais, aussi elle est pas rigide et stiff. stiff, mais. Non, mais en tout cas, ce que j'en comprends, je sais que moi, quand tu as fait ta déclaration publique sur aller vous faire vacciner, moi, par en ce que j'ai entendu, c'était l'erreur hein, qu'elle a faite, c'est là qu'elle est morte. Parce qu'elle a trop d'impact. Ben, Femme c'est comme. moelle, tu sais, on le Ben, c'est dit, parce là, qu'elle a été dans le centre femme de plusieurs artistes moelle. internationaux qui faisaient la promotion du vaccin, puis c'était bien vu, là, même au Québec. Rachid Badouri, puis il y en a eu plein d'autres qui ont fait la promotion du. Je sais pas si bien vu, si c'est parce qu'il y a, il y a, il y a présentement, là, il y a quelque chose qui se passe à la planète de changement. Puis elle est allée à l'encontre de ça. Je suis désolée, le prix à payer est élevé, vous n'avez pas idée. Elle est chanteuse, qu'elle ferme sa gueule puis qu'elle chante aussi. Qu'elle arrête de dire aux gens quoi faire. Ça, c'est comme Madame Lamarre, la crise de folle à TVA, là, qui parle de la guerre en Ukraine, puis de la Russie, puis qui nous donne des conseils Diane pharmaceutiques. Lamarre, là, ce que certains La surnomment la tabarnak, faut que tu pharmachienne. te fermes ta gueule. Ben non, ben la vie va y régler son cas, je vous le dis. Elle est morte. C'est une Ben, on question sait. Il y a de quoi de mort en dedans, je veux dire. claire. C'est ça, vendre son âme quelque part. C'est ça. Fait que là, Diane Lamarre s'était rendu qu'il demande des conseils, comme tu dis, là, sur la politique internationale, puis qu'est-ce qui se passe. Je veux dire. Qu'est-ce qui se passait selon elle quand il y avait les virus respiratoires? Puis c'est pas une infectiologue ni un médecin, mais là, tout d'un coup, c'est comme si c'était un expert, mais là, dès qu'elle, tu sais, puis elle a été impliquée dans les affaires, à un moment donné, toutes les comptes, le gouvernement, l'assurance médicaments, puis ces affaires-là, il y a eu maintenant un petit scandale, puis tout. Elle est compromise, cette madame-là. Puis elle n'a aucune crédibilité tant qu'à moi. Mais il reste que, bon. C'est pour ça, moi, je vais être franc, elle me fait l'effet un peu comme une sorcière. Ok, Puis la c'est mort. pareil, l'autre, là, comment elle s'appelle? Il y en a un autre, une médecin, elle est médecin, puis qui est souvent à la télévision, là, puis elle est frisée, puis elle est pas très jolie, là, elle a une Quoi? verrue. Puis... Non, Non. non, C'est une autre, c'est comme Diane Lamar, c'est une autre experte Une qu'elle, je autre pense. fausse C'est... experte. Ouais, elle parle à Radio-Canada surtout. OK. Puis, je me rappelle plus de son nom, là, ça me vient pas. Mais elle et tout, elle me fait l'effet de. Tu sais, puis pourtant, je crois pas à ça, là, dans le fond, là, c'est quoi une sorcière? Mais ces deux-là, c'est des sorcières. Parce Ben, que. c'est des énergies basses, là, tu sais, des énergies de vampires, moi, pour moi, sorcière, là, c'est vampiriser les gens, puis les drainer, puis tirer le gros jus de tout le monde. Ben, des ambiances pour moi, ça. Mais c'est sûr, quand Diane Lamar, un peu comme Denise Bombardier, Richard Martineau, toute cette gang-là, là, qui ont dit, faites-vous vacciner, puis ceux qui sont pas vaccinés, des complotistes, des COVIDiots, blablabla, si un jour, je sais pas si ça va avoir lieu en 2023, qu'on en apprendrait qu'il y aurait des effets secondaires du vaccin plus importants que les menstruations, le dérèglement des règles chez les femmes, ben, j'ai l'impression que ces gens-là, ils auront peut-être le revers, de la médaille. Ils vont l'avoir dans le front, t'inquiète pas. C'est un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. C'est C'est pour clair, ça que toujours très tôt plutôt que l'autre. j'aime tellement mieux être à ma place qu'à la leur. Oui. C'est pour ça qu'il y en a qui haïssent ben gros Legault, puis ils haïssent Trudeau, puis tout. Moi, je trouve qu'ils font pitié. Ben là, Je sais. pas Mais ce ben. point-là, mais t'es gentil, me Oh. le dit. Moi, ben. Non, jusqu'à un certain point, je trouve qu'ils font pitié comme Legault. Je pense vraiment que. Bon. Il est un petit peu. C'est pas des lumières, là. Non, Bon. c'est clair. Fait que, bon, je regarde sa femme, Isabelle, puis. Il me semble qu'elle a pas l'air vite, vite, madame, là. Je veux dire, qu'ils n'ont pas l'air personne. N'ont pas l'air Peut-être vite que personne. Staline voirait en eux des idiots utiles. Ben, c'est Ouais. ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'ils sont? Il y a des Stalines en arrière. Ben, C'est ça. c'est là que j'allais en venir, là. C'est peut-être des marionnettes qui sont dociles par rapport à un agenda qui les échappe. Ouais. Ouais. Mais je suis pas sûre. Moi, en tout cas, vous êtes gentil parce que moi, je pense pas qu'ils sont ignorants de ce qui se passe. Ni Non, Legault, non. ni Trudeau, ni les journaleux qu'on parle. Non, mais ils font, comme, Ils se mettons, font Trudeau, il toujours fait quelque chose partie du qui devrait Forum faire économique. partie de la gang. Mais c'est ça, il fait partie du Forum économique mondial, Justin Trudeau. Il fait partie des jeunes leaders. Fait que lui, il en sait une partie. Mais il sait peut-être pas tout. Parce que quelqu'un qui saurait tout de l'occulte, probablement qu'il serait pas là. Non, non, là, on parle. Non, non, c'est sûr qu'ils n'ont pas de plan occulte dans la tête. Il y a un plan occulte dans la tête, mais ils l'ont dans le cul, mais ils sont drivés par d'autres choses que ce que nous, on parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas ignorants de où ils veulent aller, puis c'est quoi le but. Jamais je leur pardonnerai, je suis désolée, Ah moi, non, je cette trouve qu'ils font race-là. pitié justement parce qu'on n'a pas à lui pardonner. Je souhaite sincèrement qu'on ait enfin une justice qui s'exécute un jour, puis que ces gens-là soient dévoilés clairement, puis emprisonnés, puis dévalisés. Moi, là, j'ai une vision, j'espère que c'est une vision de l'avenir et non une vision de moi, de mon subjectif, que Bertol parle, mais je vois ces gens-là vont payer le prix, je vous le garantis. C'est ça que je vois. C'est terminé. Je voulais venir à l'apothéose parce que moi, je pense que l'apocalypse, ce qu'on voit, c'est la fin de tout ce monde-là, justement. C'est terminé! Yay, on passe à autre chose. Mais on va être témoin de la descente de ça, puis des conséquences aussi. Mais je pense que l'apothéose s'en vient, justement. C'est la fin de l'involution, le début du nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde si ce n'est pas l'apothéose? Parce que c'est les polarités. Évolution, évolution, puis un jour on fera tout ça ensemble, tu sais, dans On quelques dirait qu'on. Ben, tu sais, avant tout ça, plus loin, la hein? situation se dégrade, elle se dégrade. Puis on n'est pas encore dans le pire, là. On dirait que. Non, mais la tempête, on rentre dedans, Bertol. Ouais, c'est pour ça que, tu sais, je me dis, c'est un peu comme si on nous donne du gaz pour se dire, ben, on va le toffer pour ce qui est après. Mais il reste que ce qui vient. Dans les années à venir, ça va être difficile, c'est sûr. Ben, j'ai On est l'impression qu'on se piqué. dirige vers des restrictions. En Europe, c'est déjà commencé avec l'électricité, mais restrictions économiques, destruction de la classe moyenne, pouvoir d'achat. Ensuite, peut-être même un passeport climatique. On a eu le passeport vaccinal pendant un bout de temps ici au Québec, mais la prochaine étape, en lien avec la lutte au changement climatique, le fait que la biodiversité, on dit qu'elle est menacée, ben, la logique qui va dans ce sens-là, c'est d'amener ou forcer des comportements qu'on va dire éco-responsables avec une espèce de crédit, comme le crédit carbone ou un crédit social écologique. Ouais, mais comme tout ce qu'on vient de parler des 3 dernières années va être dévoilé, comment tu penses que les gens vont pouvoir croire ce qu'ils essayent de nous faire croire? C'est parce qu'à un moment donné, je comprends que c'est ça le plan, là, mais là, ce qu'on va voir arriver en 2023, c'est la révélation de le mensonge. C'est parce que le chaud climatique va être dur à croire. Puis je pense que, Je suis en pas sûr, passant, le moi, que changement. 2023, Attends un peu, David, je veux Oui. juste finir. Pour moi, un changement collectif, ça prend pas plus que 30 % de la population mondiale en passant. Et c'est déjà là. Fait que, excusez-moi, là, pense qu'on vit. Solide. C'est jamais une majorité qui change le monde d'une réalité. La révolution, ça se fait pas par 100 % des gens. C'est 30 % des gens qui bougent, puis les autres suivent. C'est ça, la Non, réalité. non, c'est ça, une partie des marginaux qui se sont vus à un moment donné comme les précurseurs par le collectif, puis envoient le poids à la tendance par rapport à des individus d'avant-garde qui tracent une voie nouvelle. J'ai l'impression que la révolte Ah. qui va être engendrée par toutes sortes de révélations a fait partie du calcul. Mais il n'y en aura pas de chaos pour moi, Bertha. Les gens ont compris qu'il faut être pacifique. Mais en Tu même le vois? temps, Mona, Non, pas je comprends, besoin. Bertolt, Certains vont parce faire qu'il y a le obstacle. phénomène quand même d'opposition contrôlée qui peut exister. Oui, on a vu ça avec M. Duhem, la position contrôlée, il n'y a pas de problème. Il y en a, mais je ne pense pas qu'au Brésil, le peuple soit contrôlé. Non, c'est parce qu'ils ont tellement. C'est parce qu'il y a ils n'ont pas encore sorti des. Moi, je sens qu'il y a de la machinerie. Dans le sens que ça fait longtemps. Ah oh oui, il y a des machines, ils ont toutes sortes d'affaires. Puis ça peut se fabriquer en Syrie, là, des petits drones gros comme des moustiques, les fabriquer en Syrie, là. Puis la population, dans le fond, là, est pas mal plus vulnérable qu'elle pense. Puis puis la classe moyenne, ils n'y en ont plus besoin. Puis, mais il est aussi Mais c'est qu'ils ça qui va changer. considèrent. Bon, Bertha, c'est ça qui va faire un ils changement sont important. préparés des bunkers pour rentrer dans leur trou, mais que Ouais. ça n'aille pas bien. Mais ce qui a été dit dans le passé, c'est qu'ils allaient crever dans leur trou. Dans leur bunker. Ouais. Ils Fait vont y que rester. je compte sur des imprévus pareils, là, mais il reste que on n'a pas vu encore toutes les machines sortir. Comme les trucks qu'ils ont là, qui marchent à micro-ondes pour les foules, puis des affaires de même, ils ne sont pas encore. Mais pourtant, c'est tout là, c'est tout acheté, c'est tout. Fait que si jamais il arrive, j'ai l'impression que oui, il va y avoir des rebelles, il va y avoir de la rébellion, mais ça doit faire partie du calcul. Puis, mais c'est là Exactement. que. Peut-être que là, on verra les robots tueurs entrer en fonction parce que ça a failli être adopté il y a à peine quelques jours, au début du mois de décembre, à San Francisco, aux États-Unis. La municipalité était sur le point d'adopter une loi qui ferait en sorte que la police pourrait recourir à des robots tueurs pour faire face à des interventions, comme par exemple une menace terroriste. Donc, au lieu de risquer la vie d'un policier, on ferait appel aux robots, au même titre qu'aujourd'hui, comme là, avec la guerre en Ukraine, au lieu de mettre la vie d'un pilote, par exemple, dans un avion pour faire une attaque, un pilote américain pour faire une attaque, non, non, on utilisait un drone à la place, comme ça, si le drone est détruit en cours de route, bien, on épargne la vie d'un soldat. Fait que le même principe pour des opérations risquées, comme par exemple une prise d'otage ou autre, où le policier pourrait être tiré, bien, on utiliserait des robots tueurs. Là, ça a été refusé finalement. Mais j'ai l'impression que la prochaine étape, c'est que ça va être adopté peut-être en 2023 ou 2024, que ce soit à San Francisco ou d'autres villes, parce que la technologie existe. Puis là, on va se ramasser progressivement avec peut-être des Terminators, là. J'arrive Ouais, pas à adhérer à ça. Je sais pas. ben ça, Je le peut-être sens va falloir la voir. Ben, je veux dire, c'est comme en Malaisie, il y avait déjà des robots. C'est comme des policiers. Ça ressemble à des chiens, mais c'est mécanique. Puis il y a des haut-parleurs après ça, puis des caméras. Puis ça donne des ordres au monde dans la rue. Mettre des armes automatiques après ça, c'est assez facile, là. pas. Tout est possible, mais je sais Parce pas. que des fois, je me mets à leur place, puis je me dis, bon, OK, là, je veux éliminer le trois quarts du monde. Je fais ça comment? C'est facile. C'est facile. C'est des affaires qui se fabriquent en série. Ça coûte pas si cher que ça. Exactement, mais tu sais, tu regardes ça avec l'agenda vaccinal. Quelqu'un qui voudrait être malveillant, puis voudraient éliminer discrètement plein de monde, ben ils s'organiseraient pour injecter un produit. Finalement, quand tu regardes ça implicitement, tu crées une demande par rapport à un produit parce que là, il y a une menace d'un méchant virus. Puis là, d'une dose à la fois, ça diminue le système immunitaire, ça s'élimine progressivement, mais pas trop vite pour que les gens s'en rendent compte. Ça. Malgré que On moi oublie le grand plan, les gars. j'ai pas confiance, même pas Ouais, je même sais que t'as pas confiance, là. pas. Ah non, non, pas en tout. Mais moi, c'est clair qu'ils ont dépassé une limite, puis c'est celle de s'ingérer dans le développement de la race humaine. Je suis désolée, le chien est mort. Ouais, mais Il l'affaire, aurait c'est pu continuer. Oui, vas-y. ils veulent sélectionner les humains. Qui est-il? Tu parles de qui? Ben, je parle de ceux qui ont la capacité de le faire, qui considèrent le monde comme de la propriété. Ben, tu sais, je veux dire, tu regardes juste, on parlait tantôt les fondations et ces affaires-là. Bon, ben, bon, juste regarder ce que disait Rockefeller, qui est d'un premier à avoir eu l'idée de faire des fondations, puis donner des 5 cents aux enfants devant des caméras, puis. Finalement, bon, là, la classe moyenne, puis ça avait été prédit, ils n'en ont plus besoin, ben, c'est comme de la main-d'œuvre inutile. Puis là, moi, je pense on va finir par avoir ils vont encore partir avec une pandémie, on va encore avoir des mesures rien qu'en masse, puis je suis pas mal sûr qu'à un moment donné, il va avoir un traitement, puis ça va finir par être obligatoire. Ah ben ouais. Fait que c'est peut-être là qu'on va avoir la vraie patente. Mais moi, je suis bien pessimiste de nature. Puis, bon, ça fait que des fois, je suis agréablement surpris, là, des Ben fois, comme là, on est rendu dans le ça. temps des fêtes et on n'a pas de restrictions sanitaires, on n'est pas obligé de porter de masque de manière obligatoire, il n'y a pas de mesures d'empêcher les rassemblements sociaux aussi. Mais là, ça se pourrait qu'on va Nice. avoir ça en l'été. Tu sais, faut que tu doses pour que ça reste, pour que ça marche, faut que tu doses, faut pas que tu ailles trop vite. T'avances un pas, t'avances deux pas, t'en recules d'un, c'est ça le jeu. Ouais. Ben, c'est un peu comme une blette, là, quand elle tourne autour d'un lapin, elle fait la folle, elle se garouche partout, comme si elle avait une maladie du système nerveux. Puis finalement, le lapin, il regarde ça, puis il ne voit pas comme un danger, parce qu'il pense que c'est pas dangereux, une petite affaire, puis ça saute partout. Puis finalement, à un moment donné, c'est un peu cette stratégie-là Non, qu'ils je ont. comprends, c'est la stratégie des petits pas, puis des fois on fait un pas en arrière pour en faire deux en avant. Fait que peut-être que c'est un retrait stratégique qu'on a depuis un certain nombre de mois en Occident par rapport aux mesures sanitaires pour en revenir plus de l'avant un petit peu plus tard. Donc, je comprends cette optique-là aussi, là. Parce que là, en 2023, bon, ça veut dire on rentre par rapport si on regarde ça, un calendrier genre 2020-2030. Oui. À partir de 2023, là, on tombe une coupure, puis là, il y a 7 ans. C'est toutes des affaires qui avaient été parlées. Tu sais, je veux dire, ça concorde étrangement avec un paquet de vieilles affaires. Mais là-dessus, bon, j'ai ma propre subjectivité parce que j'ai tendance à croire des affaires que de nos jours, c'est plus ben à la mode. Mais il reste que je le vois tout le temps comme une possibilité pareille. Fait que Une là. possibilité, mais ça, oui, comme po une possibilité, un Oh potentiel, oui. mais je sais pas pourquoi on Mais je verra. suis de l'avis de Mona dans le sens qu'au niveau du plan cosmique, l'agenda au niveau de ceux qui sont au-dessus de nos dirigeants, à quelque part, il va y avoir la fin là, de ce scénario-là de domination. T'sais, à un moment donné, il va y avoir un ordre cosmique qui va s'établir. C'est parce que le plan matériel, on dirait que ça a été fait pour un peu tester. Qu'on fasse nos preuves dans le plan matériel. Qu'est-ce Parce que que c'est le seul moyen, justement, comme Glenn l'a dit, là, séparer le bon grain de l'ivraie pour justement l'étape après, c'est un plan peut-être plus subtil un peu. Fait que, dans le fond, oui, ça a l'air d'un. Ça, tu sais, ça fait gros, ça a l'air d'un gros théâtre grotesque. Dans le fond, moi, jamais j'aurais pensé que ça virait en dystopie de même. On dirait que c'est des mauvais scénarios écrits par des mauvais scénario. scénaristes. Très mauvais Mais. scénario en plus. Ouais, mais le pire, c'est que ça. Ils le font pour vrai. Je veux dire, on est devant comme les faits accomplis de plus en plus. Puis, ouais, j'ai l'impression que ça va être rough. Ça va Ben, être je rough. pense que le désespoir en 2023 va être très fort, mais c'est justement la game. C'est ça la game, c'est de croire. Moi, Ben. je n'arrive pas à voir l'avenir à court terme même comme étant la Ah, réalité. non plus. À un moment donné, oui, c'était facile à un moment donné de voir venir un petit peu plus d'avance, mais là, c'est rendu. Tu sais, en plus, on se fait. Comment je pourrais dire ça? Moi, mettons là, que j'essaye. Ça m'est déjà arrivé de venir à bout d'arracher de l'information pour des affaires. Mais là, j'ai l'impression la censure est pas rien que sur Internet, là. J'ai une bonne celle-là. Une bonne Ah belle. ouais. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je suis d'accord que présentement, d'avoir de l'information, je trouve c'est très difficile parce qu'ils ne veulent pas dévoiler. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on ne dira pas l'avenir, mais ce que je reçois comme ressenti, c'est ça passe pas, le plan. Puis quand je demande pourquoi, la seule raison, je l'ai déjà parlé avec David en live, la seule raison que je vois à ça, puis qui m'explique, que j'y reçois comme info, c'est qu'ils ont dépassé une limite qui n'était pas dépassable, puis ils le savaient. Ils ne peuvent pas intervenir dans notre développement, d'après ce que je comprends. Ce n'est pas la fin du monde, l'apocalypse, c'est la fin d'un monde, puis ce n'est pas notre monde, c'est leur monde qui meurt. Puis c'est Ouais. terminé, parce qu'il faut que l'humain Ben, évolue. justement, en lien avec ça, Richard Glenn parlait du rendez-vous qui est prévu en 2023 dans le sens de rencontre, mais aussi rendez-vous dans le sens de se rendre. Donc, est-ce que les gens de l'élite. Oui, exactement, dans ce sens-là. Ah Surrender en anglais. Donc, est-ce ben. qu'à un moment donné, les membres de l'élite. Ce que certains vont appeler le deep state, l'état profond, les êtres corrompus qui ont tiré les ficelles depuis des décennies, des générations pour se maintenir au pouvoir en utilisant différentes tactiques de manipulation psychologique, vont éventuellement devoir quitter, c'est-à-dire leur règne, c'est-à-dire être délaissés leur rôle de pouvoir, là. Ben, je ne sais pas si ça va passer. Vas-y, Bertha. Ben, peu importe ce qui arrive, c'est sûr que ça ne marchera pas, leur affaire. C'est évident. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que c'est pas intelligent. C'est Et je fini veux. le temps de la non-intelligence. Ouais, OK. c'est comme la fin des temps. Si on prend la fin des temps, dans le fond, c'est sûr que ce n'est pas la fin du monde. La fin des temps, les temps, c'est ce qui sépare un cycle. C'est ça. La fin des temps, ça veut dire qu'il y a un cycle fini. Donc, bon, c'est sûr, c'est pas. Mais il reste que, en plus, moi, je suis sûr, ça marchera pas. L'affaire, Ça se tourne c'est. contre eux tout le temps. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'ils font une passe de croche, ça se dévoile? Oui, mais on J'ai dirait jamais que ça fait entendu parler partie. autant d'eux autres depuis 40 ans, mais Bertol, ça fait 40 ans qu'on. Je suis sûre que ça fait très longtemps que tu as compris la game. Moi, pourquoi je n'ai pas de dette aujourd'hui puis que j'ai la paix, c'est que j'ai compris ça il y a 40, 30 ans, 35 ans, 40 ans, que jamais je devrais m'endetter puis je serais coincée avec eux autres. Ben ouais, Fait faut pas que non si plus. Encore je viens plus avec de des augmentations recevoir des taux une d'intérêt à multiples reprises, comme on a connu en 2022 avec la Banque du Canada, qu'il y a des gens qui sont déstabilisés parce que le taux d'intérêt augmente beaucoup en peu de temps, fait que ça donne moins de Il a marge augmenté de. sept fois, puis il n'a Exact. pas fini. Mais Ouais. c'est l'idée de l'endettement. Les gens doivent comprendre, puis là, je ne sais pas si ça a de l'allure ce que je dis, là, mais on s'endette. Moi, j'ai 61 ans, je ne me suis jamais endettée. Jamais, même si c'était à la mode de s'endetter en passant. Hein. Les années, là, les 30 dernières années, l'argent, c'était accessible, c'était facile, j'en revenais pas moi-même. Je me disais, Chris, il y a des jeunes. Moi, j'ai eu mon premier auto à 33 ans et mon fils, il a son gros char Honda à 10 à 22, 23 ans. Je suis désolée, l'accès à l'argent n'était pas là à l'époque. Puis moi, j'avais compris qu'il fallait pas que je m'endette pour être libre. J'ai toujours été libre en passant. J'ai quitté des emplois. J'ai jamais eu de problème de quitter des emplois parce que je ne suis pas endettée. Jusqu'à aujourd'hui, quand je dis que j'ai pas de dette, le monde ne me croit même pas. J'ai même pas de carte de crédit endettée. J'ai rien. Je veux rien savoir de ça. Fait que tu vis selon tes moyens. Ça, c'est déjà une recette pas pire pour du monde qui ont développement de conscience. Vivez, arrête, tu sais, voyager à 3, 2, puis 3 fois par année, 4, à 3, 4 000 la shot, là, à un moment donné, tu sais, vis ta vie, arrange-toi pour avec tes affaires. Mais Non, tu sais, mais j'ai je pense que Bertol et moi, on te rejoint là-dessus parce que tous les deux, on est très économes. Fait que. Oh oui, je sais que ce n'est pas à vous autres que je m'adresse. En général, ce que je vois, c'est du monde endetté, puis qu'il manque 2 jours de job, et ils sont étranglés. Ah oui, Non, ça, c'est pas normal. mais non, ce n'est pas normal. C'est idiot. Exactement. Puis quand tu regardes. Justin Trudeau qui a plus que doublé la dette du Canada pendant la pandémie. Doublé? Non, t'étais hors champ, ben raide. On était à 30 milliards, on est rendu à 300 milliards. Ben, j'ai dit On a plus que été doublé. multiplié. Plus Oui, que c'est une doublé, il l'a machine à augmenté, là. multiplier. Non, non, ben, David, t'as qu'à donner des chiffres. On avait à peu près 30 milliards de Oui, dettes tu peux avant la COVID. ajuster mon Et propos si en on est donnant rendu à plus de 300 détails. milliards? Parce que son père, il s'est arrangé pour que, bon, Ton père, que oui. Ton esti là, de après, le colon, fils est en train de continuer l'œuvre l'œuvre de du son bonhomme. père de destruction du Canada par l'endettement. Canada et l'absorption du Québec. Le père de Trudeau, Justin, là, méchant pète, là, un méchant trou de cul pour le Canada, pour le Québec. Puis Ben, lui, il c'est un continue. peu. Déjà. Je regarde de ça, c'est comme quand ils ont décidé qu'ils fermaient la Bourse de Paris, puis ça s'est ramassé. Il paraît qu'aujourd'hui à Londres, ce qui était la Bourse de Paris, les serveurs, ça tient, c'est une boîte à souliers. Hein? Puis la Bourse de Montréal a été fermée, parce que c'est tout à la Bourse de Toronto. Bon. Puis fait que finalement, moi, je vois la même. C'est le libéralisme à l'anglaise qui continue, là. Ouais, exact. Puis. Je regarde, bon, OK, l'Iran sont pas fins, blablabla, mais l'Arabie Saoudite, ça c'est correct. Puis après, je regarde les liens avec l'Angleterre. Puis finalement, dans le fond, Le problème, c'est les Anglais. ben c'est bien de valeur à dire, mais j'ai l'impression que oui, entre autres, pas juste. C'est clair que c'est ça. C'est pas le Ce peuple qui anglais, c'est plutôt est. Non, l'élite non. derrière. C'est ça. Non, c'est ça. Oui, c'est pas le peuple. Non, C'est la je comprends. mentalité colonialiste. De certaines personnes haut placées en Angleterre qui tirent les ficelles depuis des décennies puis qui ont mis des comptoirs un peu partout pour coloniser les différents pays puis avoir des tentacules un peu partout. Oui, puis même là, tu sais, on peut même pas dire les Anglais. Parce que quand on regarde les persécutions qu'il y a eu en Europe, puis qu'à un moment donné, bon, il y a du monde d'une certaine confession qui ont été chassés d'Espagne, puis qui ont été chassés sont allés en Angleterre. Puis là, tout d'un coup, il apparaît en Hollande les premiers prêteurs, les premiers banquiers. Puis finalement, c'est quelque chose d'anglo-saxon, de germanique. Puis aussi, en tout cas, il y a quelque chose là, qui s'oppose. Anglo-saxon-germanique, oh, oui, c'est exact. Oui. Ben, juste Klaus Schwab, dans le fond. Puis aussi, ben, sémitique, là. Et mystique, c'était qui? Sémitique. Ben, Ouais, c'est. Ouais. les enfants d'Abraham. Oh. Fait que, bon, on dirait que c'est tout lié ensemble. Puis que ça a créé un espèce de conflit de civilisation entre. Dans le fond, les Latins, puis finalement, c'est pas les mêmes valeurs. C'est pas les mêmes valeurs, puis finalement, ces valeurs-là font que à date, on a tout le temps été perdant. C'est le Québécois qui est né pour un petit pain, puis qui est bon, puis qui est fin, puis comme là, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait échappé une trousse en avant de chez nous, puis dedans, il y avait toutes les... il y avait 7-8 cartes là-dedans, toutes des cartes de banque, des cartes de crédit, puis la femme avait tout écrit ses NIP en arrière de ses cartes. Fait que je ramasse ça, puis j'amène ça chez nous, puis là, j'ai essayé tout le lendemain matin de la retrouver. Là, j'appelle, là, je vois que c'est une infirmière d'origine haïtienne, fait que j'appelle sa gang d'infirmières pour qu'il me donne son numéro. Puis j'ai eu affaire à des imbéciles, ils voulaient pas me donner son numéro. Ben, venez mener ça aux objets trouvés, je peux pas faire ça, c'est le genre de choses qu'il faut remettre en main propre. Après, j'appelle chez Desjardins. Ils n'ont jamais voulu me donner un numéro de téléphone pour que je puisse la rejoindre pour y redonner ses cartes. Ils disent, ah, ben, venez l'amener ici au gardien de sécurité. Je dis, il n'y a pas qu'une carte Mais en même temps, ils ont peut-être voulu des bien Jardins faire là-dedans. pour le respect de la confidentialité, puis éviter, pour penser que Il peut-être reste que que toi, tu c'était ferais pas une faute. intelligent, David. Il reste que c'était pas Ça intelligent. Il y dépend. avait C'est juste un peut-être. numéro de téléphone à me donner pour que je puisse la rejoindre, qu'elle vienne chercher Ça ses cartes. Il dépend aurait parce fait qu'eux qu'ils les autres, avaient. peut-être eux autres peuvent interpréter que, bon, il te manque le numéro de téléphone pour utiliser les cartes pour faire une fraude, vu qu'on t'a déjà le nom puis d'autres détails. Ben non, il voulait que j'amène ça aux objets trouvés. Jamais j'aurais fait ça. Tu remets ça en main propre, il y avait des cartes de d'autres institutions là-dedans. Finalement, ceux qui m'ont donné son numéro, c'est. J'ai même appelé son pasteur. Ça donne que c'est un ami d'enfance de mon frère, il ne m'a jamais rappelé. Il devait être en vacances, je ne sais pas trop. Les Haïtiens sont souvent des pentecôtistes, fait que, tu sais, maintenant, j'ai vu une carte de l'IGA, ça doit être le pasteur, je le connaissais. Finalement, c'est sa carte de gym. J'ai appelé au gym. Puis c'est eux autres, ils m'ont donné son numéro de téléphone. Puis j'ai fait c'était un numéro de téléphone que c'était un interurbain finalement. Ça doit être un cellulaire, mais finalement, je l'ai appelé puis je l'ai rejoint. J'ai dit, Madame, j'ai trouvé toutes vos cartes. J'ai passé tout le matin pour la retrouver. Finalement, elle est arrivée, elle dit, j'arrive tout de suite. Puis elle, justement, fallait qu'elle s'en aille à Montréal pour aller passer le nouvel an dans sa famille. Puis elle pouvait même pas tinquer. Puis elle avait été voir la police, dire que ça avait été perdu, puis tout. Puis j'y ai remis. Puis il y avait toutes ces cartes là-dedans. Il y avait plusieurs cartes de crédit, toutes ces cartes de banque, puis tout. Puis j'ai dit, vous êtes chanceuse que c'est moi qui l'ai ramassé. Raison. Ben là, il y en a un, ici, de pas loin, il était condamné pour fraude. C'est lui, il avait ramassé ça après. Je suis le trois quarts du monde qui l'aurait ramassé. Je pense qu'il aurait tout parlé. Ça serait fait vider ses comptes, il aurait mis une cagoule, puis il aurait été un guichet à l'autre vider tout. C'est ça. J'ai dit, vous êtes bien chanceux, c'est moi qui l'ai ramassé. Puis je me dis en moi-même, il est bien chanceux que ce soit un Christy Tata comme moi qui l'ai ramassé. Ben, parce que dans le fond, c'est ça, être honnête. C'est être un peu naïf, un peu tata. Pas naïf dans le sens de la naïveté, mais naïf dans le sens que toute ma vie, j'ai été un petit peu dans la merde par honnêteté. Dans le sens qu'il y a bien des affaires. À un moment donné, il y en a, ils voulaient que je travaille pour une compagnie d'assurance, puis j'ai dit, moi, je peux pas vendre la sécurité des spreads du monde. Je suis pas un crosseur, je ne suis pas capable. Puis c'est des affaires de même qui font que. Mais il y a quelque chose de même, les Québécois, dans le sens que on est fin. Puis on est Est bon. un petit peu crosseur, faut le dire. Ben, moi, dans mon cas, moi, je considère que non, mais j'en ai connu. Je me Non, suis non, fait pas dans avoir ton souvent. cas, mais je parle de le peuple québécois qui a une vision de lui-même, d'intègre, de peuple, de bonté, de générosité. C'est tout un style game. Parce Ouais, qu'on est entre autres. si généreux que ça, semble-t-il qu'on est plus cheap du Canada, en passant, en termes de dons. Je sais pas si Mais c'est vrai, ça. je sais pas, je sais pas. Mais je pense pas qu'on est si généreux que ça, de toute façon. Ben, c'est parce qu'on n'a pas une scène. Non, ben, Yo, ceux c'est qui l'ont, ils la ça, là. gardent. D'accord avec toi. On est très généreux de notre temps, semble-t-il. Mais peut-être parce que, on n'a pas d'argent, comme tu dis. Mais tout ça, j'ai perdu le fil. Je commence à être fatiguée, je pense. Ah bon, il va Non, falloir que non, j'aille c'est coucher. ça, il va falloir conclure, en effet, éventuellement, mais je voulais quand même, avant de finaliser la rencontre d'aujourd'hui, revenir sur la prédiction qu'avait faite Bernard de Montréal lorsqu'il avait été interviewé par Richard Glenn il y a plusieurs années. Donc, dans la conférence 59B vers la conscience non conditionnée, Bernard de Montréal avait dit, et là aujourd'hui, je l'ai revérifié textuellement, je l'ai pris en note pour vous le dire comme il faut. Il dit, c'est à partir de 2023 que finalement la Chine, la Russie, les États-Unis vont créer une union mondiale. Quand que j'ai relu ça aujourd'hui, j'ai dit, ça se peut pas, on se dirige pas du tout vers ça depuis le conflit en Ukraine. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Bertol, tu veux y aller? Ben moi, je vais être bien franc. Bernard, là, il y a bien des affaires que c'est parce que c'était frappant, puis je le voyais, c'était vrai, puis que je le mettais en pratique, puis ça avait changé bien des affaires, puis tout. Donc, c'est devenu quelqu'un de très important pour moi. Mais Bernard, je le crois pas. Fait que je me méfie pareil. Parce que il reste que je pense que c'est déjà fait. Je pense que, comme la guerre qu'on a là en ce moment, c'est un show. Je pense qu'il y a déjà quelque chose en arrière qui gouverne tout ça, de toute façon. Fait que je suis pas sûr. Fait que donc, j'ai pas de certitude. J'en ai vraiment pas. Puis, Bernard, je le crois pas. Dans le sens que, bon, c'est comme son affaire en 2014, que les banques allaient tomber. Bernard, dans le fond, c'est comme si quelque part, il nous dit, ben, il va avoir. Comme quand il nous disait, il dit, à un moment donné, il y aura plus d'argent. Oui. C'est clair qu'ils veulent faire que maintenant il n'y a plus d'argent, que ça va être bon. Mais il reste que je me méfie pareil. Fait que l'affaire, bon, on verra. Mais j'ai aucune certitude. Mais je ne peux pas me mettre à croire Bernard comme un prophète. Parce que même ceux qui sont des prophètes, je ne les crois pas vraiment. Fait D'accord. que dans le fond, on verra. Puis aussi, je sais que ces forces-là sont sournoises, même ceux qu'on dit des forces de lumière, là. Eux autres, ils vont tout le temps s'arranger pour qu'on ait de la surprise. Fait que ça, Bernard, il échappe pas à ça. C'est Exact. loyal. Puis Bernard disait lui-même que le meilleur des médiums de la planète entière, soit-il, avait 30% de marge d'erreur. C'est énorme. Ce que moi, ça veut, ce que je vais dans le sens de Bertol, pas dans le sens que pas que je crois pas, c'est que je le sais pas. C'est pas pareil. Ben, moi Je non ne sais plus, dans pas. le fond. Puis je pense que c'est ça que Bertol dit aussi, c'est que je sais pas. Mais ce que je suis certaine, c'est que c'est la fin de ce monde de pourri, là. Ça, je suis certaine. Ben. Tout est lent, fait que ça va être lent, ça va être lent, la planète, tout est lent. L'évolution, c'est lent. Fait que ça va se faire comme ça se peut. On verra qu'est-ce qu'on dit là, ce qui est arrivé. Ils nous avertiront pas, ils nous diront. Même Bernard, il ne pouvait pas. Ça, il pouvait pas dire. Admettons qu'il aurait eu la capacité de capter exactement tout nous dire. Il l'aurait pas. Je suis sûre qu'il l'aurait. Ils ont fait quelque chose avec. Parce qu'il faut pas que ça soit dévoilé, ben, David. Premièrement, parce que ça répond à l'insécurité humaine. Tu sais, c'est qu'est-ce qui nous arrive demain. Arrange-toi pour te sécuriser toi-même, puis trouver ta propre paix intérieure. Ça, c'est clair. Maintenant, le reste, on verra. Ménard a dit la même chose en passant. Ménard a annoncé qu'à 2024, tout s'effondrerait économiquement. On verra. Mais comme dit Bertolt, c'est des prophéties. Il y a une marge d'erreur possible. Énorme. Puis aussi, peut-être ça peut arriver, mais pas les formes qu'on pense. C'est exact. Oui, exact. Quoique par rapport à la prophétie qu'avait faite Daniel Ménard par rapport à 2020, il avait parlé de janvier 2020, ça a été là qu'a commencé la débandade avec la crise de la COVID, là, t'sais, dans ce coin-là, en tout cas en Chine, là, avant que ça devienne mondial. Donc, la prophétie, parce que c'était par rapport à Uranus qui entrait dans le signe du Capricorne, qui allait faire ébranler les structures. Donc, les Capricornes, c'est souvent les fonds de pension, la retraite et tout. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2020, beaucoup de structures sociales ont en effet été ébranlées. Ben, je me souviens que Bernard il avait parlé, il dit l'espèce d'hypocondrie là, d'avoir peur des gens, puis tout, qu'il y a dans la culture populaire, ça va servir contre le monde. Puis quand il est arrivé tout ça, ça m'est revenu. Puis il dit il avait encore raison. Puis, qu'est-ce qu'il avait sorti d'autre et tout? En tout cas, il y a plusieurs affaires. Des fois, moi, je devrais prendre des notes parce que j'ai une mémoire. Mais. N'a pas de mémoire, c'est terrible. Ben, tout est paradoxal, Bertha. C'est que d'un côté, dans plusieurs enregistrements, tu dis non, non, j'ai pas de mémoire, qu'il y a des choses que tu oublies, puis tu as des informations très techniques par rapport à la Chine, par rapport à différents pays Oui, que tu ressors mais ça me revient spontanément. si on en parle. C'est spécial. Il y a des affaires que j'ai lues, ça fait 20 ans, 25 ans, puis je ne m'en rappelle pas. Ben, mettons qu'on en parle, là, tout d'un coup, ça me revient. Ça pop. Ouais, c'est ça. C'est comme si je fouillais dans une Il salle d'archives. menu. Fait Bertrand que. est comme un pop-up menu, David. Oui, ben c'est ça, mais c'est parce que moi, puis tu me diras si je me trompe, mais c'est parce que tu as des connaissances dans plusieurs secteurs. Tu sais, je te vois un peu comme quelqu'un qui appartiendrait à la tradition des encyclopédistes, qui a une vision du monde sur différents aspects. Donc, C'est ça qui me nuit. ben en même temps, moi, c'est ce que je trouve que c'est ta force, puis c'est la raison pour laquelle que ça fait un peu plus de 2 ans que je t'interview de manière prioritaire, parce que j'ai eu plein de monde qui voulait que je les interviewe, puis. Moi, je trouvais ça plus intéressant de faire une démarche avec quelqu'un qui touche à plusieurs secteurs que d'avoir un spécialiste dans le domaine de la politique, un autre spécialiste dans le domaine des religions, la philosophie, ainsi de suite. Ouais, mais moi, personnellement, je considère que c'est ça qui me rend subjectif, qui fait que dans le fond, je suis jamais sûr de rien. Parce que c'est comme si j'étais fragmenté un paquet d'affaires, là. Parce que dans le fond, je suis un croyant, mais je le suis pas. J'haïs la philosophie, mais j'en connais un peu. Tu sais, je veux dire, c'est rien que des affaires qui se contrastent, puis finalement, Mais bon, ça peut-être de fait tous que. ces contrastes-là se trouve un équilibre qui ne pourrait pas jaillir autrement. C'est parce que je suis tout le temps en train d'aller chercher des affaires en arrière. Mais en Puis même temps, ça, ça peut puis t'en t'amener. revoir en avant. Ben, en fait, c'est là que j'allais en venir. C'est parce que, dans le fond, ça donne plus de perspectives pour te positionner par rapport à l'avenir. Ouais, mais là, c'est de la déduction de mon intellect souvent. Puis là, Ah non, finalement. c'est intéressant l'intellect fonctionnel, Bertolt. Ouais, je sais, De je l'ai la vie de jamais mis mon de homme. côté. Mais l'affaire, c'est que Un j'ai. intellect fonctionnel comme le tien, inspiré de son contact, c'est merveilleux. Ben oui, ben souvent, c'est des affaires que j'ai lues, ça fait des années, puis finalement, là, tout d'un coup, je vois quelque chose, mais là, c'est des différents éléments, puis là, tout d'un coup, je vois un lien. Ça, c'est nouveau. Le lien que je peux faire entre des vieilles affaires, c'est ça qui est intéressant. Mais il reste que c'est ça qui me rend subjectif, puis qui me colore le plus, toutes Oui. ces affaires-là. C'est comme Mona, elle parlait d'aïkido, puis là, je suis là, ah oui, les Japonais, puis. Là, tout de suite, je sens comme il y a quoi de chinois en arrière qui me dit, les Japonais, ils se prennent pour qui? T'as raison, c'est des baveux. T'aurais dû me voir sur les tatamis en Belgique avec une japonaise que j'envoyais chier. T'as raison, Bertol. Mais non, mais au contraire, t'es très intéressant. Tu devrais pas avoir cette vision de toi comme ça, parce que ton intellect est fonctionnel selon le besoin. C'est merveilleux, mais t'es une source d'inspiration. Moi, je t'écoute et j'apprends plein de choses à travers toi. Au contraire. Ben, je suis de Bon, ben, l'avis de merci. Mona, c'est-à-dire, reconnais la force que t'as. L'intelligence qui passe à travers toi. Exact. Il y a de l'intelligence, Bertol, c'est clair. Bon, ben, là, tu es pas en train de Ouais, ben, l'encenser. c'est ça, faut pas. Ah, Ben. l'ego ne passera plus dans la porte, Bertol. Ouais. Parce que moi, en tout cas, ce que j'aime le plus de Mona, c'est le côté, justement, qui est pas sans concession, mais cette espèce de transparence spontanée. Ouais. Qui est vraiment, parce que ça, c'est pas mal plus précieux, je trouve. Oui, puis moi j'apprécie son sens de l'humour. Oui, ben c'est ça, ben, au moins c'est spontané. Oui, ben c'est ça, parce que ça. Dans le fond, Sinon. c'est moins austère que les entrevues que je faisais des fois avec Marc Lassalle, que tu sais, c'était très strict. Tandis que Mona, ben ça va alléger le sens de l'humour qu'elle a, le propos. Mais moi, ça me Ouais. fait chier le côté austère de toutes les gens que j'ai rencontrés, incluant Bernard. L'austérité, il y a quelque chose d'austère, je sais pas, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais apprécié ça. Très simple, moi, c'est simple. La vie, il faut qu'elle soit simple. Quand c'est compliqué, pour moi, il y a le mot compliqué. Convaincre, vaincre le con, non, merci. Fait que je suis dans ce sens-là où je développe l'humour. Je suis pas si sûr que j'apprécie dans le sens que même souvent le monde il me disait, t'as une vibration un peu comme Mona. Oui, on est de la même famille, tu disais. Ouais, J'ai j'ai cette toujours dit ça. impression-là des fois. Ouais, mais genre, comment je pourrais dire ça? Comme on dit ça, t'es pas achalé, Non, non, je suis pas. Mais je reste polie, très gentille, mais faut pas. Je suis un peu comme toi. Faut pas me marcher trop sur le pied. Une fois, deux fois, j'avertis, mais à la troisième, je frappe. Je frappe psychologiquement, pas psychi pas physiquement, mais pour moi, le respect, c'est fondamental. Puis, regarde, on se parle, on n'est pas d'accord sur tout, mais Non. ça reste toujours respectueux. Puis, ça, j'ai pas de problème, on peut parler de tout dans ce contexte-là. Mais je suis de même dans le quotidien aussi, mais je suis pas différent. Ben, c'est ça, ben, c'est le fait que c'est pas compliqué. C'est Puis ça. on n'a pas, dans le fond, là. Pas de mystère, hein? Pas de mystère. Ben non. De toute façon, s'il y a de quoi que jaillit, c'est bien le maudit concept de mystère. Je sais, c'est pour ça que je te taquine avec ça. Mais je Ben. trouve que c'est ça, t'amènes des choses comme ça, Bertel, qui est très. Quand t'as dit ça, ça a rentré dans la cellule. Moi, j'ai fait, mais oui, c'est tellement intelligent. Justement, défaire les mystères. Tout ce qui est mystère, c'est toujours des cachettes, la cacheterie, cacher les choses. Puis on parle On de. dirait qu'on est fasciné par les ténèbres, dans le fond. Puis bon, je regarde-tu tout qu'est-ce qui est la fascination qu'il y a pour tout que tout de suite on sent l'ambiance. Tout de suite, on dirait que tout le monde est fasciné par le paranormal, puis par. Moi, je trouve que ça se sent tout de suite. C'est pour ça, à un moment donné, j'écoutais l'enregistrement, l'affaire Le Dôme, je me rappelle plus c'était quel enregistrement, puis. Je sentais, ça me rappelait comme quand j'écoutais du monde qui parlait des séances de spiritisme, puis je trouvais que ça avait cette ambiance-là un peu, puis moi, vu que j'ai pas pu l'écouter tout cet enregistrement-là de Kemp, que le monde y témoignait là, des phénomènes, puis là, il y avait une sonde, puis là, la dame, elle sentait la sonde dans son utérus, puis là, maintenant, j'ai fermé ça, j'ai dit non. Mais ça va, c'est vrai, en tout cas. On en reparlera parce que je veux pas médire. Non, mais c'est parce que moi, Kim, je l'ai eu en séminaire. Imaginez, je me suis retrouvée en séminaire de Bernard de Montréal avec Daniel Kim dans le séminaire. J'ai vu des choses, j'ai été témoin de choses, le langage oiseau, qui se sont jasés. Puis Kemp, il est mort 2 ans plus tard, en passant. Ah, mais ça Ouais, veut dire qu'il aurait fait tellement tardivement son jeune. séminaire avec Bernard, ça me surprend. Oui, il a fait son séminaire en même temps que moi. OK, parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est qu'il avait fait son séminaire dans les années 90, puis. C'est ça, c'est à peu près. Ah, ben moi, j'ai fait mon séminaire très tard. Ménard m'a pris. J'ai coach, Ménard, il m'avait pris comme personne en coaching, puis j'étais la première personne qui prenait qui n'était pas séminariste. Fait que j'ai comme ouvert une brèche sans le savoir, OK, là, parce que moi, ce que mais. j'avais compris, Daniel Kemp, c'est que oui, il avait fait un séminaire avec Bernard de Montréal, mais par la suite, il était comme lancé, puis lui, il avait les chefs, puis il était comme parti avec son affaire, là. C'était comme... Bon, il était déjà là-dedans. OK. Moi, j'ai passé dans Kemp avant de faire le séminaire de Bernard. Fait que quand j'ai fait le séminaire de Bernard, Kemp, il était là. OK. Fait que ça s'est fait. Son groupe des chefs, puis toute sa hiérarchie était créée, là. Oh oui, parce Il avait fait qu'il ça là. y avait déjà de quoi de fait, parce qu'à un moment donné, j'avais mis un enregistrement de Kemp, puis on voit clairement, c'est le Kemp avant Bernard. C'est le Kemp avant le séminaire avec Bernard. Il y a une chemise indienne un peu, là, avec des espèces de broderies, une moustache, puis les cheveux longs. Puis je suis sûr que ça, c'est avant qu'il ait passé chez Bernard. Oui, moi je l'ai connu, il était propret, genre propret qu'on appelle là, tout clean. Puis il avait pas fait le séminaire de Bernard encore, mais ils se sont parlé, je vous le dis. Là, il y a OK. eu, je peux pas vous dire ce qui s'était dit, j'ai pas entendu. Il parlait le langage d'oiseau, il n'y avait rien à comprendre. On Mais était le français. langage des oiseaux dans le sens ésotérique. Il y avait une. Je suis même pas capable de. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quelle langue il parlait. OK. C'est-tu comme aigu puis bien rapide? Ouais, genre, Ah ouais. en tout cas, je sais pas. Mais Camp, il n'est pas resté 2 jours. C'était 2 jours le séminaire, il restait une journée. Le lendemain, on ne l'a pas vu. Eh bien, Voilà. c'est tellement je veux dire, on se créerait, la réalité dépasse la fiction parce que c'est tous des phénomènes. C'était des phénomènes, effectivement, les personnages dont on parle. Moi, je vais m'arrêter là, les amis, parce que l'air de rien, ce Ben oui, ben fut après plusieurs heures comme ça un de conversation continue. Oui. Donc, c'est sûr, en effet, on va conclure. Et en terminant, est-ce que tu avais une annonce à faire, Mona? Une annonce dans quel sens? Non. Ben, je veux dire, bon, moi, je peux quand même rementionner aux gens qui nous écoutent, là, que s'ils sont intéressés à suivre des cours de yoga, pilates thérapeutique ou même une consultation, qui peuvent entrer en contact avec toi. Moi, je laisse la vie décider, ben, David. Je m'interfère pas là-dedans. La vie me présente ce que j'ai à faire, puis je fais ma job. Moi, je voudrais dire aux gens quelque chose. Prenez soin de vous. C'est très important dans l'année 2023 de rester dans votre culotte, dans vos culottes. Berthold disait de garder notre tête. Moi, je dirais rester dans vos culottes. Occupez-vous de vos affaires, puis laissez faire tout le reste parce qu'il y a vraiment de la merde qui va sortir. Ça va sortir tous les bords. Puis là, si on commence à écouter ça, je pense qu'on perd notre centricité puis notre tête. Fait que je souhaite aux gens de 2023 de s'occuper d'eux puis de se protéger le mieux qu'ils peuvent. Protéger, il faut se protéger. On est très vulnérable, tu le disais, là. On est une race très vulnérable. Oui, et toi, Bertha, est-ce que tu avais un mot de la fin? Non. J'en ai-tu déjà eu un? C'est jamais fini. Ben, Jamais la vie, fini. c'est infini dans un sens, donc on peut pas avoir de mot de la fin, mais je peux quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que c'est possible non seulement de t'écouter sur le web, parce que tu as une chaîne YouTube où tu es très prolifique depuis plusieurs mois en faisant régulièrement des vidéos, mais d'interagir avec toi dans le cadre de diffusion de vidéos que tu fais en direct, habituellement le samedi matin, heure du Québec. Oui. Donc, Je avis peux-tu aux rajouter trolls. quelque chose? Oui. Je vais faire rougir Berthold. Berthold se trouve patient. Merci. Ah, oh, ben pourtant, non, c'était pas patient dans Non, quel avec moi. sens? Parle pas de ça, je parle. Genre, voyons, soir, c'était belle fun, j'ai pas. Non, mais je parle dans l'ensemble. Comment tu je te trouve généreux et patient envers les gens qui viennent vers toi? Parce que moi, je le fais pas. Je ne suis pas public comme ça. Puis que tu aies la capacité de répondre aux gens sans perdre ta centricité, je te trouve extraordinaire. Bravo. Ah ben merci. Merci à toi. C'est pas toujours facile. Non, je n'en doute pas. Mais non, mais on te voit des fois interagir, il y a du monde qui sont pas agréables, là. Non, vraiment, va. Cherche Moi, le je te trouble. raccroche, je regarde l'écran, l'autre, il est bien Ben moi, calme. je dirais. Tabarnak! Ouais, non, c'est ça, mais moi je dirais que Bertol, il est très généreux dans le sens que de répondre gratuitement à du public, puis on s'entend, là, des fois, t'as du monde là-dedans qui cherche juste à faire le trouble ou te prendre en défaut. Ça C'est prend. ça que je sens. Trouver comment le piéger. Oh, c'est. Je m'en viens méchante. Mais bravo. Pas C'est un bien. besoin que les gens ont d'entendre Bertolt, je suis sûre. Ah bon. Ben tant mieux si je réponds à un besoin. C'est clair. Sinon, tu serais pas là, Bertolt. Il n'y a pas de hasard. Ouais, mais tu sais, il y a toutes sortes de monde qui sont là, eux autres et tout, puis pourtant, des fois, je trouve que ça y en a qui sont bon. Mais en tout cas, je fais mon possible. J'entends le reste. OK. Bon, j'arrête de décoder. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne Oui, soirée, il va falloir que je dors. oui, exactement. Ben, moi également. Puis en terminant, ben, je mentionne aux gens qui apprécient mes activités de diffusion web que vous êtes toujours les bienvenus, même à cette année 2023 qui commence bientôt, de me faire parvenir des contributions financières via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir les infos en bas de l'enregistrement, comme les coordonnées de mes invités d'aujourd'hui. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. Ça a été l'occasion pour la première fois d'interviewer des gens que j'interviewe de longue date et j'espère que ça a répondu aux attentes de certaines personnes qui avaient envie de nous entendre les trois parler ensemble. Merci à vous tous. Merci Bertol. Merci David. Merci à vous Merci à vous deux. deux.